à C'est fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Sébastien F. Gertin analysera l'actualité dans son but à Gertin. Et Frédéric Bernard répondra aux grandes questions de la vie dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 7 octobre 2015, 202 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, ah, on se réveille le matin comme ça avec vous. Hey, on se réveille le matin, tu dis, de façon assez bing-bang ce matin. Abrupte. Ouais, voilà. Comme on dit justement, tantôt tu vas nous parler de cure pour les lendemains de veille, n'est-ce pas? De cure pour les lendemains de veille, de caféine, mais aussi un peu de mythes. Et de trucs d'ailleurs pour les lendemains de veille. Ah, bon, ben c'est intéressant ça. Oui, ça va. On va en jaser un petit peu plus tard. Dans Tania is gonna entertain ya. Aussi, l'émission d'aujourd'hui à 8h, c'est la CF Gertin pour son bulletin Gertin. À chaque semaine, on le rencontre et on parle d'actualité, on parle de nouvelles qui se passent un petit peu partout dans le monde, que ce soit de politique ou de relations internationales. Peu importe, donc ça c'est à 8h. À 8h30, Google Globe avec Frédéric Bernard qui lui parcourt Internet, pose une question à un engin de recherche nommé Google et nous donne les réponses qu'il reçoit. Est-ce qu'on va trouver la réponse à la question? On ne sait pas, mais on va trouver des réponses à quelque chose. J'ai hâte de voir la question cette semaine. Oui, moi aussi, c'est à 8h30. On l'avait mis au défi de quelque chose, mais je me souviens plus trop la semaine dernière. De cliquer sur le bouton « J'ai de la chance ». C'est ça? Ouais. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va voir. Et notre classique du mercredi, c'est comme toujours, ça existe, mais ça ne devrait pas, là où on achète les gadgets ridicules sur Internet. Absolument, on n'a pas le temps de le faire, mais on verra. Ah. On peut être la changer de jour, celle-là. Mais on débute en musique avec une pièce de Beirut sur l'album No No No, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Gibraltar. Puis après ça, c'est Tania Baudin. Déjà. Oui. Ouh. Game. Yeah. La pièce Gibraltar par Beirut dans le palmarès anglophone de C'est fou. C'est Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Ce qu'on aime faire pour se réveiller, c'est toujours d'entendre la voix de Tania Baudin. Voici Tania's Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain ya! Elle nous a fait une petite danse là, et ça m'a fait bien rire. Mais bon, fallait être là. Hein. Oui, ben oui. Caméra 3. Caméra 3. Caméra 3 est à l'heure. Ah, Tania Baudin, tous les matins, une nouvelle chronique, un nouveau sujet, toujours diversifié. Ça arrête jamais de changer. On peut à rien ne s'attendre. Ouais, je vais t'avouer que ce matin, je pense que c'est un des matins les plus difficiles par contre. Ah, pour toi personnellement? Oui, oui, oui. La soirée d'hier fut difficile. Bien, la soirée d'hier fut difficile, pas au point de l'alcool, mais au point de la fatigue. Je suis quand même rentrée très tard. Exemple? Selon le fait que je devais me lever comme à 5h. Je suis rentrée vers 2h15. Je me suis couchée vers 2h30. Ouch! Et je me suis levée à 5h45. Alors, si on fait le calcul, ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Et hier soir, j'étais du côté de la chasse-galerie avec quelques amis. Et on le sait, le mardi, c'est les mardis karaoké. Alors, c'est pourquoi ma voix a l'air de celle de Caroline Néron ce matin. Rock. Voilà. Rock classique. Sexe, comme ils disent. Mm-hmm. Mais oui, ce matin, je parle de comment combattre ou encore comment prévenir un hangover. Avant même de l'avoir. En fait, vous allez voir, ça va bouger un petit peu beaucoup dans ma chronique parce que c'est pas très, très stable. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire, tout simplement, parce que en faisant ma recherche pour cette chronique-là, je me suis rendu compte que la plupart des trucs, on les connaît tous. Oui. Par contre, il en existe beaucoup qui ne fonctionnent pas. Qui a été testé pour nous? Ben oui. Dans le laboratoire d'assemblage. T'as tout à fait compris. Ça s'est échelonné sur quelques années. OK. Le laboratoire existait avant que tu sois même assez fou. Oui, c'est ça. Bien, le truc numéro un que tout le monde connaît, c'est évidemment de boire de l'eau. Oui. Évidemment, boire de l'eau avant d'aller se coucher, donc 16 à 20 onces d'eau avant d'aller dormir. Mais certains disent que non, ça fonctionne pas tant que ça de boire de l'eau avant d'aller se coucher, que la meilleure façon de prévenir un hangover, justement, serait de commander un verre d'eau à chaque fois que tu commandes un verre. OK, donc 20 eau en alternance. C'est ça. Okay. Mais si t'as vraiment, tu sais, comme si t'es vraiment déterminé là, à passer une soirée, tu sais, comme en état d'ébriété, là, mettons. C'était le but hier, c'est ça? Non. Okay. C'est pas le but, non. J'ai bu, mais non, c'était pas c'était le but. C'était un bonus, plus c'est qu'un ça. But. Exact, c'est ça. Ce matin, je fais... En tout cas. Alors oui, tout simplement, c'est d'alterner, c'est exemple, de la bière en tant que telle avec un verre d'eau. Tout simplement pour que ton corps reste hydraté. Faut que t'aies quelqu'un pour te le rappeler par moment, peut-être. Parce que des fois, oui. C'est du vin. Ça passe ouais, vite. Ça passe très vite. Hein? Puis on le sait, tu sais, du moment qu'on pense que ça se boit, on pense que ça réhydrate. Et souvent, c'est les amis qui remplissent ta coupe. Fait que tu t'en rends même pas compte une fois que t'as bu, une fois que t'es rendu sous l'influence, tu t'en rends pas compte que le verre est toujours plein. C'est ça. Puis rares sont les fois où que, tu vas aller dans un bar, puis si tu commandes ta bière, tu vas prendre le temps de commander un verre d'eau. C'est vrai. Parce que la plupart du temps, ça va être des bouteilles, donc ça implique que tu vas la payer. C'est vrai. Note à tous ceux qui sont propriétaires de bars, donnez donc les verres d'eau. Voilà, c'est dit. Je pense pas que c'est comme ça qu'ils vont faire du titre. Je pense pas, mais tu prends quand même ta bière. Alors, ça, c'est... la deuxième, en fait, c'est le sujet qui m'intéresse. Et là, j'ai vraiment mis un point d'interrogation à côté du sujet parce que je me suis dit, c'est discutable. C'est très discutable. Ce sont les boissons qu'on appelle sportives. Mm-hmm. Tu sais, exemple, Powerade, Gatorade, tout ce genre de boissons à électrolytes-là. Il y a un docteur, Samir... Docteur Pepper. Non, pas en tant que tel. Samir Zachary, qui dit que les boissons sportives sont pas nécessairement mieux que l'eau pour rétablir les électrolytes dans le corps, parce que de toute façon, tes électrolytes n'ont pas besoin d'être remises à neuf. Okay, ouais. dès ton réveil. Donc, de boire de l'eau, tu vas sauver de l'argent, puis ça devrait arriver au même résultat. Mais c'est pas aussi sucré puis bon au goût. C'est sûr que c'est pas aussi sucré. Moi, personnellement, boire de l'eau en me levant sur un hangover, je ne suis pas capable. Non? Parce que certaines personnes disent que de boire un grand verre d'eau va venir tout rebouger l'alcool que t'as dans l'estomac et ça fait en sorte que tu te sens beaucoup plus sous que ce que tu te sentais okay, avant de boire le verre d'eau. C'est le mouvement. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me fait ça. Mm-hmm. Donc, moi, l'eau, le matin... No thanks. Et voilà. Le troisième point, c'est le déjeuner. Évidemment, toi, tu déjeunes pas. Alors, non. Je me demande, si t'es hangover, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste comme pleurer ta vie en boule? Je m'arrange pour pas être hangover. Aussi, il y a ça. Ça, c'est mon dernier point de la chronique. C'est juste avant d'être hangover. T'as comme un petit range, là? Ouais. Je connais le range. Ah, c'est bon, ça. Je te dirais que plus de vésicule biliaire, tu ne sais pas c'est quoi le range. Ah, c'est ça. Tu le sens pas. Ah, madame a un secret, un super pouvoir, un anti-super pouvoir. Moi, je te dirais beaucoup plus que c'est un défaut qu'un super pouvoir. C'est ça. Parce que ça magane pas mal plus que ça. Ça te dit oui, vas-y. Tu peux t'intégrer toi-même tes propres limites, même si tu n'as pas de vésicule biliaire. Tu n'es pas obligé d'attendre que ton corps te donne un signal pour arrêter de boire. Ben là, parce que ma mère non plus a plus de vésicule biliaire. Donc, on a comme réussi à se faire un range sur le vin. Oui. Mais tu sais, il existe d'autres boissons que je peux pas te dire c'est quoi la limite, mettons. Il faut encore. Vous vivre ensemble tout le temps. C'est ça. Ouais, mais ce soir, on teste nos limites. J'aurais dû vous faire enlever la vésicule biliaire puis le donner à l'autre. Faites-vous un échange. On a échangé nos vésicules biliaires cet automne à Canal Vie. Ouais, ça l'a fait enlever pas mal plus tôt que moi, ouais. Par contre. Donc, il y a quelques années. C'est vintage. Ouais, c'est ça. T'es un peu rétro, toi. Mais pour ceux qui ne savent pas, la vésicule biliaire, c'est le backup du foie. Alors, c'est tout ce qui fait en sorte que vous allez digérer votre alcool. Ouais. Si vous n'avez plus ça, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus pénible d'être hangover. Alors, faites attention à vous et ne vous faites pas enlever la vésicule biliaire. Voilà, c'est dit. Arrête de te plaindre. Alors, mon point numéro 3 sur comment prévenir un hangover ou comment combattre un hangover, c'est au réveil, lorsque vient le temps de déjeuner. C'est soit les toasts ou les craquelins. Miam! Oui, parce qu'on dit en fait que ça va... Tu sais, il y en a qui disent que de prendre un grand déjeuner, très gros, très gras, ça va remettre sur pied. Du bacon, c'est toujours bon pour tout régler. Ouais, aussi, là. Mais en fait, ici, ça dit que non, ça va régulariser le niveau de sucre dans votre sang. Sans que ça soit trop élevé ou trop bas. Alors, les toasts et les craquelins, c'est super bon à ce qui paraît. Et moi, je tiens à dire, les biscuits soda. Ouais. Salés avec une canette de Coke. Si vous êtes vraiment, mais vraiment hangover. Est-ce que tu trempes tes biscuits soda dans le Coke comme tu tremperais un biscuit dans du café? Aucunement. Non. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Ouais, mais c'est un Coke à la paille, évidemment. Pas, ça prend une paille. Après, le Coke cerise, on va dire que les Coke à la paille... Hey, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bébé bon. Et les biscuits soda au sel, c'est ce qu'il y a de mieux, selon moi. Là, je pourrais faire des blagues de sel, mais je ne les ferai pas. Ouais. Non, je sais. Mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Une chance. Mais bois pas, tu vas être correct, comme tu le disais tantôt. je parlais de manger gras, justement, d'un gros déjeuner. Il y en a qui disent que ça, c'est bon, mais d'autres disent que non, c'est pas bon au déjeuner, mais c'est bon avant d'aller boire. Oui. Une poutine. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, la fameuse poutine de 3 heures du matin quand tu sors du bar. McDo fait des pubs là-dessus. Mais t'aurais dû la manger avant, apparemment. Parce que ça va faire un fond, ouais. Comme ils disent. Puis ton corps, ton système, en fait, va être occupé à digérer ta poutine beaucoup plus que de digérer l'alcool. Ouais. Donc, du moment que... Ben, j'imagine que ça va fesser autant du moment que ton système va être rendu à éliminer l'alcool de toute façon. Puis si tu te donnes à veiller au Gambrinus, tu prends une poutine à la bière avant... Ben, tu te startes un petit peu, tu donnes un petit fond de bière à ton ventre. Ouais, hein, voilà. T'sais? C'est comme ceux dans le temps qui... c'était quoi? C'était du lait, c'est ça qu'ils buvaient? Ou de l'huile, je me souviens de l'huile? Pour le foie, ouais. Ah ouais? Ouais, ça a l'air que ça aidait. En tout cas, moi, je suis pas... Je suis pas experte dans cette matière-là. Je l'ai jamais testée. Hein? C'est ça. encore une fois, le lendemain matin, on a mal à la tête. On sait pas trop comment... Handle the situation. La plupart du temps, on va rester recroquevillé dans notre lit puis on va pleurer, pour certains. Ah, bah attends. Mais il y en a qui vont se dire, ah là, j'ai vraiment besoin de Tylenol. Oui, ou des Advil. Les gens disent, claque-toi deux Advil. C'est ça. Eh bien là, je tiens à faire une petite parenthèse. Il y en a qui sont très bonnes à prendre et il y en a d'autres qui sont vraiment pas bonnes. Ah. Alors, je vais vous les nommer. En fait, très bonnes à prendre pour contre le hangover, tout simplement, c'est l'aspirine et l'ibuprofène. Surtout, allez pas prendre les Tylenol. OK, ibuprofène, c'est de l'Advil. Oui, c'est ça. OK, oui. Ibuprofène, c'est de l'Advil et les aspirines. Ouais. Mais allez pas prendre des Tylenol. Ouais. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça va venir augmenter votre migraine. Okay. Et ça peut être très mauvais au point de vous rendre malade encore plus que sur votre hangover seulement. Ah oui. Ouais. J'aurais jamais pensé parce que je sais qu'il y a des Tylenol pour les maux de tête. Mm-hmm. Ils sont créés juste pour les maux de tête. Mais bref, donc Tylenol, acétaminophène, on prend pas ça. Mais ça, ouais, c'est ça parce que ça a l'air que quand que tu le mélanges avec un foie qui est déjà en état d'alcool, ouais. qui est déjà sous, bon ben ça va simplement affecter encore plus ce qui se passe dans ton système. Okay. Alors on évite les Tylenol le lendemain, ibuprofène ou aspirine. Génial. C'est quand même C'est un bon range. Aspirine, ouais, c'est un bon range. Et Advil, c'est souvent de toute façon ce que les gens prennent parce que Tylenol, ça marche jamais. Ça. Ouais, en effet. Ça marche pour toi, Tylenol? Je te dirais que je suis pas une grande fervente de prendre des pilules. Ouais. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais mal à la tête. Ma mère me disait « prends deux Tylenol », puis j'en prenais une parce que j'avais peur de mourir avec deux, tu sais. Mm. Non. Non. Je vais boire un Coke. Avec un biscuit soda. Avec un biscuit soda et je vais pleurer ma vie s'il y a de quoi. Oh, pauvre petit chouette. Mais rares sont les fois où je vais aller me prendre des médicaments comme ça parce que j'ai mal à la tête puis que je le sais que j'ai trop bu la veille. Je vais juste faire comme « oh, dur, c'est ta faute. » Tu fais bien, tu fais bien. Alors, c'est ça. Je m'auto-flagelle. C'est très masochiste. On, c'est ça. On le confirme. En tout cas. Point numéro 6 sur comment prévenir un hangover ou combattre, mythe, truc. En fait, c'est quand vous êtes déjà au bar, vous avez déjà entamé votre soirée. Là, vous vous dites évidemment « party time », on est avec des amis, on veut que ce soit une belle soirée. Mais, faites attention, allez pas trop danser. Ah, ben ça va rebrouer, comment dire? Ça va faire bouger l'intérieur de ton ventre? Ben, pas que ça fait simplement bouger l'intérieur de ton ventre et tout ce que t'as déjà pris depuis le début de la soirée, mais c'est surtout que si tu danses de façon vraiment intense, tu sais, comme dans un nightclub, mettons, je sais pas moi, je vais nommer le temple comme ça parce que la plupart du temps, tu vas beaucoup danser si tu vas au temple. Une boîte de nuit. C'est ça, une boîte de nuit. C'est que ça va vraiment faire baisser ton taux d'hydratation dans ton corps et ça va être pire le lendemain. Okay. Alors, tu peux danser, tu sais, comme... Juste te faire aller un petit peu... Le popotin. Le popotin. Mais, tu sais, à suer ta vie, puis à avoir les cheveux tout mouillés... Si t'es déshydraté, tu vas vouloir boire encore plus live en plus, là, dans le moment. Ouais. C'est ça. D'où vient le moment d'acheter une bouteille d'eau en même temps. C'est ça. Tu vois, c'est une roue. C'est ça, c'est une roue. Puis ta bouteille d'eau, elle va coûter 7$, ta bouteille d'eau. Ouais. Ça va valoir la peine. Ben oui, tout à fait. Le choix de drink est très important. Je le disais, j'ai fait mes recherches en fait sur plusieurs sites internet et je suis tombée sur le site menshealth.com et c'est là que la plupart de mes trucs ou conseils viennent. Mais en fait, ça dit tout simplement que si, exemple, t'es du style à prendre un vodka jus d'orange ou un vodka Coca-Cola. Je sais pas si ça se fait, là, mais c'est écrit ça sur Internet. Pourquoi pas? Moi, je trouvais ça dégueulasse comme idée, vodka Coca-Cola, mais bon. C'est quoi la différence entre du rum and coke? Ben, c'est ça, rum and coke, exemple. Exemple, t'es du style à prendre un rum and coke, puis ton accompagnatrice ou ton ami, lui, boit de la vodka jus d'orange, bien, lui, il va avoir moins mal demain matin. Parce que, en fait, les sodas font en sorte que ça rend l'absorption de l'alcool beaucoup plus rapide dans ton corps. Okay. Donc, tu l'absorbes plus, puis tu le bois plus, t'en bois plus. Tandis que le jus d'orange, peut-être que parce que justement c'est sucré, tu vas plus te tanner, donc tu vas l'étirer plus longtemps. OK, ça a du sens. Mais l'absorption d'alcool est beaucoup moins rapide avec un jus, mettons, qu'avec un soda. OK. C'est cool quand même. Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien ça. Ouais. C'est bien, c'est bien. Nous qui sommes de fervents amis du café. Oh, tellement. Eh bien, n'en prends pas sur un lendemain de veille. Ah, le lendemain au complet, tu prends pas de... C'est une mauvaise idée. Ah. Ça déshydrate de façon extrême ton corps, apparemment. Tu peux aller boire un thé, mais t'en bois seulement un, parce que déjà, ça déshydrate beaucoup moins qu'un café. Mais sur tous les sites internet que j'ai trouvé pour la chronique, ça dit éviter le café... C'est pas parce qu'on dit que le café, c'est composé majoritairement d'eau, tu sais, mais non. Non, puis gars, ce que je bois ce matin. Absolument rien parce que t'es en studio pour la valoir. Oui, c'est ça. Je bois de l'eau. De l'eau, dans une bouteille. Dans une bouteille. Avec un bouchon. Avec un bouchon. C'est bon. Parce qu'on veut pas que ça tombe sur les consoles, tout ça. Quelques idées de qu'est-ce qu'ils font ailleurs dans le monde lorsque vient le temps d'avoir un hangover. Okay. Aux États-Unis, en fait, dans le sud des États-Unis, parce que là, tu dis. Ah non, mais tu sais, c'est comme des petits remèdes, mettons. Okay. Maison. Je les ai pas testés, ceux-là, je tiens à vous le dire, mais si jamais ça vous tente, testez-les et dites-nous comment ça se passe. Peut-être que vous allez être malade. Trois cheeseburgers. C'est ça. Dans le sud des États-Unis, eh bien, on boit un drink maison qu'on appelle the Prairie Oyster. comme une huître des prairies. Ouais, mais attention, je vais te dire ce qu'il y a dedans et je suis pas certain que ça va te tenter de le boire. Alors, c'est un œuf cru que tu brasses, mélangé avec du jus de tomate, une cuillère à soupe de sauce Worcestershire, un petit peu de tabasco, sel poivre. Tu mets ça dans un shooter et tu t'enfiles ça. C'est le poivre, comme si ça avait besoin de plus d'accompagnement. Hey, ça disait vraiment ça sur le site. Worcestershire. Ah, wow. Miam. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais, vraiment. Moi, je trouve ça... Je suis pas certaine que je l'essaierais. Ça te met dans le coma. C'est pour ça que tu sors de ton hangover. Mais faut, d'après moi, t'es vraiment, vraiment sous si tu prends ça dans le sud des États-Unis. Déjà, pour être capable de faire la recette... Faut pas que tu sois en sous pour réussir à faire cette recette-là. Non, mais ça, c'est le lendemain. Ah oui, okay. Tu le bois le lendemain quand tu te réveilles. Quand t'es de marteau complètement. Ouais. Tu sais, au lieu de déjeuner, tu t'enfiles un shooter de œufs crus et tabasco. Un smoothie dégueulasse. Ouais. En Pologne, qu'est-ce qu'ils font lorsque vient le temps de contraindre leur... de combattre leur hangover le lendemain matin? Une grosse saucisse dans la bouche. Hey, non. Non. Mais ils boivent un grand verre de jus de pickle. Ah! C'est pas mauvais le jus de cornichon. J'ai jamais bu le jus de cornichon, mais je trouve ça quand même vraiment dégueulasse que de s'en boire. Moi, je sais pas. Ça dépend. C'est, parce que c'est sûr que si ton pot de cornichon est dans le frigidaire depuis longtemps, puis qu'il y a plein de bouts de graines de. Ouais. Je sais pas comment dire. Mais en Danette. Tant que tel, Danette, exactement. C'est Danette que je cherchais. J'aurais dû penser à la célèbre actrice, là, Annette Funicello. Hein? Funicello. Oui, ben oui, ben oui. Il y a une actrice qui s'appelle là-bas. Ah, pour vrai? Ouais. Mais bref, cornichons, j'aime ça. Les chips aux cornichons sont très sous-évalués. Cornichons à la nette, moi, je trouve ça très bon. Miam! En tout cas. Bob le chef, tu connais Bob le chef ici au Québec? Il a fait un article il y a quelques années déjà. Ça a été posté en 2013, mais je suis tombée là-dessus en faisant mes recherches. Où que justement, il dit top 5 des remèdes contre la gueule de bois. Mais là, je me suis dit que j'allais pas toutes vous les énumérer parce qu'on en a déjà passé. Mais est-ce que tu te souviens de du fameux dicton combattre le feu par le feu? Évidemment. Et qui dit que si tu te lèves, reprends une bière. Ça va te remettre sur pied. Ben oui. Il dit de pas faire ça. Penserais pas, non. Dit non seulement ça sert absolument à rien, il dit je l'ai essayé pendant plusieurs années. Il dit je suis désolé de péter ta balloune, mais c'est pas bon. C'est une légende de camping, selon Bob le chef. C'est logique, je trouve, ce qu'il dit, Bob. C'est vrai, hein? Robert. Eh oui. Il dit aussi que prendre une cuite, communément appelée une brosse ici au Québec, ça vide le corps de ses vitamines, de ses sels et de ses minéraux, évidemment. Là, en Pologne, on boit du jus de pickle. Bob le chef, lui, dit tout simplement d'en faire le plein en mangeant des cornichons. Bon, là, tu vois, c'est plus raisonnable déjà. C'est ça, parce que c'est bourré de vitamine A, de fer, de potassium et de vitamine K, de calcium. Goût. Et de goût aussi, là, c'est sûr que, tu sais, ça doit être... Tu rates un peu en seulement le matin. Tu joues qui te coince, là, c'est toujours le fun. Tu l'essaierais-tu, toi, mettons, de manger des pickles sur un lendemain de veille? Ben, j'ai pas besoin de raison pour en manger, mais oui. Non, c'est sûr, mais tu sais, comme pour que ça aide tout à te remettre sur pied, est-ce que tu le ferais? Je le ferais. Ah! N'importe quand. J'avoue que c'est une pas pire idée, tu sais. Ça coûte pas mal moins cher que beaucoup d'autres remèdes, mettons. Si c'est une bonne excuse pour te faire un sandwich à la viande fumée, ben tant mieux. Hey, parlant de sandwich, il fait dire que le BLT est un des meilleurs sandwichs pour aider le métabolisme à s'accélérer. C'est excellent, ça. Et d'éliminer les résidus d'alcool dans le sang. Alors, le bacon du BLT, ça a l'air que ça aide à remettre sur pied. Ah, ce fameux bacon. Bob le chef et du bacon. Bob le chef. Ça marche dans ma tête. Sur plusieurs sites Internet, la banane est revenue très souvent pour le remède à remettre ton métabolisme sur pied sur un lendemain de veille. Mmh. Alors, j'aurais peut-être dû faire ça ce matin, manger une banane. Mais j'ai mangé un BLT, fait que ça s'équivaut. C'est correct, ça, c'est correct. Tu sais, si t'avais pu manger une belle petite banane en pyjama, mettons. Ouais, bon. La banane, pas. La banane, pas. Toi, pas la banane. En pyjama, je parle. Ouais. Ouais. Bon. En tout cas. C'est un autre sujet. Okay. C'est louche un peu, dis-moi. Mais bon. Ouais. C'est déjà tout pour ce qui est de parler de boissons alcoolisées. OK. Parce que vient le temps de parler... De café, évidemment. T'sais, qui dit Tania Baudin et Mathieu Plante dans un show du matin? Définitif, ça parle de café au moins 5 fois une heure. Et ça boit à l'extérieur du studio. C'est ça. Alors hier, je suis tombée sur un article que je t'ai partagé sur Facebook. Oui. C'est sur le site tatcatalogue.com. Donc évidemment, c'est en anglais. Si jamais vous avez été intéressé, je vais le mettre sur assemblagereki.com. Mais ce sont 16 signes qui font en sorte que tu es complètement accro à la caféine. Là, ici, je tiens à vous dire, on parle pas de café en tant que tel, on parle de caféine. Donc, tout ce qui est soda, exemple, Coke, Pepsi, c'est caféiné. Mais Red là, je vais pas, parler de soda ce matin. Je vais en lire quelques-uns, là, pas tous. Mais évidemment, quand tu vas te coucher le soir pour simplement te réveiller et te dire que tu vas boire du café, tu commences à être pas mal accro au café. l'attachement que tu ressens envers ta Keurig est plus grande que n'importe quelle autre personne dans ta vie. J'en rêve, là. À chaque jour, je me dis, ah, est-ce que je vais m'en acheter une, là, là? Tu devrais. Les Keurig et les Tassimo, c'est les inventions les plus géniales au monde. Tellement bon pour l'environnement. Mm-hmm. Chaque fois que tu te dis que tu as finalement réussi à combattre ton... Comment tu dis ça? Addiction? Ta dépendance. Ta dépendance, merci. Ta dépendance à la caféine. Eh bien non, je suis désolée, ça revient quand tu rentres dans un café. L'odeur, hein? Oui, l'odeur. C'est la meilleure odeur, je pense, au monde. T'as tellement raison. Mmh. Hein? Ça, puis le caramel. Oui. Mmh. Et le popcorn. Ça te dit que tu es accro à la caféine lorsque, quand tu passes près d'un café, tu sais, exemple, Café Morgan ou Starbucks, il faut absolument que tu t'y arrêtes. Tu sais, chez la galerie, on passe devant littéralement une douzaine de fois par jour. Combien de fois on arrête, hein? Faut... À toutes les fois. À toutes les fois, à peu près. Tu vois, c'est parce qu'on va là pour y aller à Chasse-Galerie. Ouais. Ouais. Quand tu dis un jour, je vais arrêter de boire du café. Je peux arrêter quand mais je veux. Mais aujourd'hui, c'est pas cette journée-là. Oh non. T'es rendu pas mal accro au café. Aujourd'hui, on a besoin de café. Oui, et j'aime bien le numéro 11, en fait. Je vais vous le lire en anglais, puis après ça, je vais vous le traduire. C'est marqué « Every day is National Coffee Day when you have a serious caffeine dependency. » Alors, chaque jour est la journée nationale du café lorsque vous avez une grande dépendance au café. Alors, c'est quelques points sur la caféine que je trouvais quand même très drôle à nommer en ondes parce que je sais qu'on n'est pas les seuls. Oh non! Majorité du public aime autant le café que nous. C'est sûr. Ils sont rares les gens qui ne boivent pas de café. Et ils ont tous une raison. Ouais. C'est pas nécessairement à cause du goût. La plupart des gens qui ne boivent pas de café, c'est parce que ça leur cause des problèmes de cœur, ça la digestion. T'sais. Et problèmes de cœur, là, comment ça le sentir? Tu commences? Ouais. Ah ben, faut faire réduire, t'arrêtes non, pas. On est rendu à un âge où que tout ce qu'on fait commence à se sentir sur notre corps. J'aime là, quand mais... tu dis on est rendu à un âge comme si ça m'inclut. Ben fait. Oui, ça t'inclut. Merci, t'es fait. C'est pour ça que je le dis. J'apprécie ça. Alors, je vous le répète, je vais mettre le lien du site sur assemblagerequis.com et je vais aussi donner quelques sites internet que j'ai eu la chance de vérifier pour justement... les hangovers, combattre les hangovers, les mythes sur les hangovers et les trucs, quoi manger, quoi prendre. Oui. T'as dit tellement de choses. Il faut qu'on aille voir l'article parce que t'as dit trop d'affaires en même temps. Là. Oui, t'as tout pas eu le temps fait. D'absorber tout ça. C'est comme la caféine, le corps doit l'absorber avec le temps. Mm-hmm. Au fur et à la mesure. Mais tu sais, j'ai une demi-heure de chronique, pas trois heures. Non, c'est ça, malheureusement. Malheureusement. Un jour, le Tania Baudin Show avec Tania Baudin pour compétitionner avec le Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Ce serait fou, hein? Ça en vient quand, ça? Ah, on travaille là-dessus, Je suis sûr. Et ce matin, en fait, en faisant quelques recherches de chansons, parce que je voulais quand même des chansons qui allaient... pas qui allaient parler d'alcool, là, mais qui allaient parler peut-être de lendemain de veille ou, tu sais, je cherchais des playlists que tu peux écouter lorsque t'es lendemain de veille. Et sur Spotify, 8Tracks, ma fameuse application que j'aime tant, eh bien, j'ai tapé Hangover et la catégorie Relax. Et je suis tombée sur une pièce musicale de Alex Turner, qui est le chanteur de Arctic Monkeys, qui a fait un projet solo à un certain point dans sa carrière. Et on va écouter une de ses tunes qui s'appelle Hiding Tonight, qui était dans une des playlists pour lorsque vient le temps de relaxer sur un lendemain de veille. Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. But I'm quite all right hiding today. Tomorrow I'll be faster. I'll catch what I've been chasing after and have time to play. But I'm quite all right hiding today. And I will play the coconut shy and win a prize, even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid, and I won't even lose my fizz. I'll be the polka dots tied. I'll know the way back if you know the way. You are, I am quite alright hiding today. they're just in black and white. I'm quite all right hiding tonight. And I will have a game on the coconut shine. And win a prize even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid. And I won't even lose my fizz. I'll be the polka dot's type. I'll probably swim through a few lagoons. I'll have a spring in my step, and I'll get there soon to sing you a happy tune tomorrow. And you better bring a change of clothes so we can sail our laughing pianos along a beam of light. But I'm quite all right hiding tonight. C'était Alex Turner avec Hiding Tonight. Je trouvais que ça se glissait bien dans une chronique sur les lendemains de veille. Oui, si tu veux retourner te coucher. Oui, c'est ça, exactement. C'est un excellent choix. c'est très bon. Mais c'est bon, oui, c'est très bon. Alex Turner. Alex Turner de Alex Arctic Turner. Monkeys. Voilà, on l'a dit. Merci, Tania, pour Tania's Gonna Entertainment qu'on fait tous les matins. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. Mm-hmm. Sujet différent tous les jours. C'est varié, c'est comme une roulette chanceuse. Au retour, Sébastien Guertin va nous combler, nous rendre encore plus chanceux parce qu'il va nous mettre au courant. Puis quand t'es au courant, ben tu sais à quoi t'attendre. Puis quand tu sais à quoi t'attendre, ben tu fais ce que t'as à faire. Est-ce que ça s'amenait vers quelque chose? Je suis pas certaine. Hein, ça s'amenait vers bumper de pub, je pense. Ça, ça, doit être ça. Ouais. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Reiki. On est mercredi 7 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Tu tapes sur le clavier comme ça se peut pas avec tes ongles. Je suis en train de mettre les articles dont on vient de parler sur Assemblage Reiki. Ah, ben c'est pour la job, du coup. Voilà. Tap away. C'est ça, je fais. Tapaway. C'était pas l'héroïne d'un téléroman, ça, Tapaway. Non, ça, c'était She Away, je pense, avec Marie Orsini. Et, hey, tu remontes loin, là. Je pense que oui. Mais la vedette du téléroman de nos vies, c'est celui qui nous apprend à vivre. C'est comme le Yoda. On a déjà fait celle-là du Yoda. C'est comme le She Away. Oui. De C'est fou. Pareil. C'est pareil. C'est comme. C'est qui? Blanche aussi, je pense. Ou Roy Dupuis. C'est le Roy Dupuis de l'émission, c'est ça. Ouais, on le voit pas, mais c'est pareil comme Roy Dupuis. C'est Sébastien F. Guertin, voici son éditorial, Bulletin Guertin. Je me force à faire des introductions personnalisées à tout le monde, mais il y a des jours où ça coule moins bien que d'autres. Il y a des jours où c'est plus dur. Hein? C'est un petit peu plus difficile, mais bon. Salut Sébastien Guertin. Bon matin. Ça va? Bon matin. Ben oui, vous autres? Toujours, toujours. Tout le temps. Hein? On est en pleine forme. En pleine forme. Et c'est ta chronique où habituellement, une semaine sur deux, tu nous parles de ta chronique dans le journal Zone Campus. Yep. Et l'autre semaine, pas. Et là, la semaine passée, c'était pas. Mais là, cette semaine, c'est encore pas. Ben, en fait, c'est que, comme ceux qui ont peut-être pris la peine de lire... De lire l'éditorial dans Zone Campus, ils vont se rendre compte, d'ailleurs je l'avais dit la semaine dernière, que ce que j'appelle mon bulletin Guertin avec podcast. Celui où il n'est pas préparé autant. C'est ça, ouais. Celui qui n'est pas vraiment préparé. Ah du tout, pourtant ça paraît non, mais pas. Je lis des choses constamment, mais c'est plutôt que là, après ça je partage avec vous le fruit de mes lectures. Puis on discute. C'est ça. Ben, c'est que la semaine dernière, je trouvais ça vraiment important de parler de ce qui est en fait une grosse partie de mon de l'éditorial écrit dans le fond. Si je faisais la formule habituelle, c'est-à-dire parler directement de mon éditorial, ça serait un brin redondant. Ouais, c'est ça. On a parlé de NICAB et tout ça. On a parlé de NICAB et tout ça. Ceci étant dit, J'aime ça dire. Ceci étant dit, ceci étant ça fait professionnel. C'est vrai. Hein? On va se le dire. Ça fait vrai. Ceci étant dit, d'ailleurs, c'est encore plus avec podcast à matin parce que j'ai pas de casque d'écoute d'ailleurs. Ah, dans le sens que j'ai pas d'écouteur. Ça fait être là pour la comprendre. C'est comme un insight. Fallait être là. D'ailleurs, je m'excuse pour les auditeurs si je parle pas égal. C'est à ça que ça sert d'avoir des écouteurs. Quand on voit des photos de gens à la radio qui ont du plaisir avec des gros écouteurs à ses oreilles, c'est un peu à ça que ça sert. C'est à s'entendre. Fait que moi, je sais pas du tout comment est-ce que je sors dans ça vos sonne oreilles. Bien, là. Ça sonne bien. Puis moi, ça j'ai le contrôle de mon côté aussi. Ouais. Et moi, j'en ai un casque. Mathieu Plante est en contrôle. Puis avec le casque. Il me semble que ça doit être une phrase qui n'a pas été dite souvent. Je m'excuse. Oh! Pas tellement. Hein? Eh bien, les couteaux volent bois matin. Oh, ouais. Tu peux voir ça comme une critique, mais c'est comme un compliment. Ouais, c'est ça, parce que j'aime être en contrôle. Je pense que tout le monde sait ça. Mathieu follows the motions. C'est ça. Mathieu est en contrôle de son joystick. Bon. Donc, trêve de plaisanterie. On en garde pour plus tard. On en garde pour plus tard. On va assaisonner à la place. Soupoudron. Soupoudron. Soupoudron au lieu de garocher tout d'un coup. C'est comme la saveur. Ça, si tu mets tout au début, je pense quoi. C'est comme le gilet s'effondre. C'est la popcorn. Tu sais, le sel à popcorn au ketchup. Ouais. Tout ça. Qui achète ça premièrement parce que ça coûte bien trop cher? C'est comme genre 7 piastres. Ça dépend. Il y en a des cheap. Il y en a des cheap. Il y en a des cheap. Il y en a chez Bulk Barn. Tu peux acheter en bulk. Shake le popcorn. Ouais, c'est ça. Shake le popcorn. Mais c'est ça. C'est que si tu fais juste en mettre sur le top puis pas le bras. Ouais. Ben, ça goûte full au début, puis là, ça te tombe sur le cœur, puis après, il n'y en a plus, néo. C'est comme le beurre aussi. On va saupoudrer à la place. Le beurre, là. Même affaire. Ouais, même chose. C'est comme une poutine, tu mets du fromage en milieu aussi. Oui, ben oui, parce que sinon... Ouais, ma mère a fait ça. Ouais. Dans les poutines maison. Faut que tu mélanges, en fait. Exact. Faut qu'il y en ait... Faut que ça soit... homogène. Je suis pas un mélangeur. Parlant d'homogénéité. Ah, OK. Ça, c'est un beau lien. C'était tout planifié. Ah. Non, vraiment pas. C'est pas grave. Bon, parlant d'homogénéité. Non, je vais pas parler d'homogénéité tant que ça, mais bon, juste pour rappeler, la semaine dernière, question de faire un vrai lien. La semaine dernière, on a discuté de toute la tempête de, je dirais pas le mot en onde, du NICAB qui secoue la campagne électorale fédérale depuis quelques semaines déjà. Pour faire un rappel bref, il y avait, dans le fond, ce de quoi on a jasé la semaine dernière, c'est que ça a été un peu mal, un peu beaucoup mal représenté dans les médias, dans le fond, ce qui s'est passé réellement. Dans le fond, c'est une stratégie électorale montée de toutes pièces. Puis là, j'avais parlé un peu de la notion là, avec la cour d'appel, là, puis les grandes cours de justice, dans le fond, puis le rapport avec ça dans l'histoire. Puis bon, après ça, que là, toutes les parties ont pris position là-dessus. Puis là, c'est peut-être plus sur cette dernière partie-là que je vais un peu plus revenir aujourd'hui. C'est que, bon, comme je l'avais parlé la semaine dernière, ce de quoi il était question, en fait, c'est que, bon, ce qui nous avait été dit, c'est que la cour d'appel défendait le droit de porter un niqab, dans le fond, moi, j'aime pas le mot, là, mais un voile islamique qui cache le visage. Ouais. Mais déjà là, je trouve que c'est déjà faire un lien entre le fait que c'est obligatoire pour les... Tu sais, que musulmans égale voile islamique égale les femmes voilées, ce qui est c'est complètement comme faux. Là. Une façon comme subtile de rendre ça un petit peu comme anti... ou peut-être pas raciste, mais anti-religion, mettons. Un petit peu, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je pense pas que le terme voile islamique a été inventé dans le but de subtilement influencer les masses, mais je pense que c'est plate que ça le fait quand même. Ouais, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des mots, puis c'est pour ça que quand les gens qui trouvent ça plate, là, qu'on dise les beaux euphémistes là, pour parler, mettons, de tel handicap, de dire un malentendant au lieu d'un sourd, des trucs comme ça, je pense que c'est important, en fait, dans la vie, parce que les mots ont une connotation, puis les mots ont une certaine puissance, puis il faut... En français, on est une langue un peu spéciale pour ça. C'est que la connotation des mots est très importante. Connotation, dans le fond, c'est le sens d'un mot, c'est la dénotation plus la connotation. C'est la dénotation, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Dans le fond, c'est la définition objective, claire et du mot. Mais la connotation, c'est toute l'espèce d'enrobage sentiment émotif qui vient avec. Ben, c'est que souvent, un mot a été utilisé d'une façon négative tellement longtemps que qu'il reste négatif, même si on ne l'utilise pas de façon négative, mais il est associé à quelque chose de négatif. T'sais. C'est ça. C'est notamment de la c'est un bel exemple de connotation. Il y a une connotation négative au mot, c'est-à-dire que si tu lis la définition d'un dictionnaire, c'est pas nécessairement négatif. Mais la façon que c'est utilisé, la façon qu'on comprend le mot, ben, c'est quand même un peu négatif. C'est ça, le contexte dans lequel il est mis aussi. Là. Exact. C'est comme le mot en haine pour une personne qui est afro-américaine noire. C'est et ça. Le mot en T pour les personnes homosexuelles et gays. Voilà. C'est ça. Voilà. Ces mots-là veulent en tant que tel pas dire grand-chose, mais ils ont été tellement utilisés de mauvaise façon que dorénavant, c'est des mots qui sont offensants. Effectivement. Bon. Très bien. On a fait le tour du sujet. Bref. Puis c'est pas anodin non plus, en fait, puis c'est très important parce que c'est un peu de tout ça que je veux parler aussi, c'est de la manière qu'on perçoit les choses un peu. La manière qu'on perçoit. Excusez-moi, tu sais, vous parliez de lendemain de veille tantôt, puis moi, j'ai pas dormi gros là. Mais mettons que c'est ça. C'est pas parce que toi, tu l'utilises de façon que tu trouves complètement approprié, puis toi, le mot te dérange pas, que le mot ne dérangera pas quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, sache-le, si ça offusque cette personne-là, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à l'utiliser? Bon, c'est salutations à Mike Ward et le petit Jérémy. Exact. Oh ouais, on tape vraiment sur ce clou-là le matin. On n'a pas arrêté à chaque jour, comme on renchérit. C'est la faute de Tania. C'est ma faute, je suis désolée pour les mots offusquants. Bref, moi qui essayais de remplir le vide pendant que Sébastien retrouvait son idée avec des idées pertinentes, et toi, il fallait que tu arrives et que tu mettes la hache. C'est sûr qu'il a retrouvé ce qu'il voulait dire avec ça. Évidemment. Mais en fait, c'est qu'on parlait de, on parlait du fameux voile islamique. Ouais. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, la connotation qui vient un peu avec le terme voile islamique, c'est qu'on a l'impression que c'est tous les musulmans, puis c'est une mauvaise chose. Or, premièrement, c'est pas tous les musulmans qui sont islamistes, pour faire la différence. Islamiste, c'est un peu un programme politique en même temps que religieux, ce qui est déjà différent du fait d'être simplement de confession musulmane. Puis c'est une minorité, mais vraiment là, une minorité complètement écrasée de musulmans qui sont pro-voile. Ça aussi, c'est une chose importante à concevoir. Mais bref. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'importance qui a été donnée à cette problématique-là. Ce qu'on va appeler un chat, c'est quand même une problématique. Un peu du fait que, justement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'immigration musulmane, puis on a l'impression que c'est un cas qui va... en tout cas, j'extrapole un peu, mais j'ai l'impression qu'on pense que ça va être un cas qui va revenir plus souvent. Ce qui est pas nécessaire, ce que les statistiques démontrent pas nécessairement à ça. C'est-à-dire que, bon, comme on disait la semaine dernière, depuis 2011, il y a eu deux cas. Puis moi, tous les rapports de ça que j'en ai vus, on disait depuis 2011, il y a eu deux cas. Puis je pense, l'impression que ça donnait, c'est que c'est parce qu'avant 2011, il n'y en a juste pas eu. OK, je comprends. On rappelle que c'était deux cas de personnes qui voulaient être assermentées, deux femmes, canadiennes, deux femmes, avec le voile. Effectivement. Voilà. Donc, c'est ça. La semaine passée, on a parlé des tenants et aboutissants plus juridiques de ça. Après ça, moi, ce que je veux un peu plus parler pour l'instant, c'est plus... les prises de position qu'il y a eu par rapport à ça. Parce que moi, je vais le dire de prime abord, moi, des cinq partis au fédéral présentement qui se battent depuis déjà plusieurs semaines pour avoir notre petit X sur, sur un bulletin, en fait, les cinq m'ont déçu là-dedans. Okay. Bon, premièrement, les conservateurs qui sont à l'origine de ça, que c'est purement un stratagème électoral, électorialiste. Bon, on s'entend, j'avais pas déjà... Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne m'alignais pas pour voter conservateur. Ah non, voyons. Moi, en fait, d'une certaine manière, je pourrais dire que c'est ceux qui m'ont le moins déçu parce qu'on s'attendait à quelque chose de même de leur bord. Prévisible. Ensuite de ça, bon, on va toutes les passer rapidement. Là, je ne veux pas faire non plus une demi-heure là-dessus, mais bon, le Parti libéral du Canada, Justin Trudeau. Les Rouges. Oui. Justin Trudeau, en digne fils de son père, qui est un peu, parenthèse, quand on parle de multiculturalisme au Québec, ça fait beaucoup sourciller les gens. Mm-hmm. Or, le multiculturalisme, à base, tout ce que ça désigne, c'est toutes les politiques qu'un gouvernement va prendre pour gérer ce qu'on appelle le fait du pluralisme dans le domaine. Là, je suis vraiment dans mon sujet de maîtrise, d'ailleurs. Je m'excuse pour les définitions. Puis tout, là, ça vulgarise, ouais. Ça va l'air super intelligent après la chronique à Seb. C'est surtout que ça met la switch des formations professionnelles à on, là, de parler de ça. Mais c'est ça. Dans le fond, le fait du pluralisme, c'est le fait qu'on ne vit plus des sociétés homogènes au 21e siècle. Ça n'existe plus. Ouais. Même à l'intérieur de ce que j'appelle des Québécois francophones... entre guillemets de souche, mais... Ben, moi, ce que j'aime dire, c'est d'héritage catholique. D'accord. Oh, c'est bien dit, ça. Mais oui. parce que ce qu'il faut... Il y a eu une... Tu sais, on se rappelle la commission Bouchard-Taylor en 2007 sur les accommodements raisonnables. Dans le fond, la partie Bouchard, de la commission Bouchard-Taylor, Gérard Bouchard, d'ailleurs, soit dit en passant, le frère de Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec et fondateur du Bloc québécois. Et voilà. C'est drôle. Mais ouais, c'est ça. Gérard Bouchard, qui est un sociologue, et probablement un des plus grands intellectuels québécois vivant à l'heure actuelle. J'ai un petit peu un fan. Ouais, c'est ça. Dire de même. Il a sa pancarte avec sa face dessus. Il y a une de mes amis qui a eu un cours avec lui à session d'hiver l'année dernière à l'UQAC. J'étais hyper jaloux. je pensais, je savais à quelle heure était son cours, puis je passais son cours sur Facebook à lui demander de quoi qu'il parle, En tout cas. Il ne pouvait pas skyper le cours. Ben, ça passe les proches une couple de fois. Mais je suis sûr qu'il a déjà parlé de son ami qui était un fan fini de lui. Mais bref. D'ailleurs, petite anecdote, Gérard Bouchard lui a servi de wingman une soirée, mais ça, c'est un autre. Je regardais ça pour une autre chronique. Have you met my friend? D'ailleurs, on va un petit peu piquer la curiosité des gens. L'ami en question écrit dans Zone Campus. Mais je vais pas dire c'est qui. C'est-tu nouveau? Je le dis pas. C'est Lucas Hubert. Je le dis pas. C'est nouveau. Moi, je vais tenter ma chance jusqu'à temps que je sache c'est qui. Il va fouiner jusqu'à temps de trouver. Fait qu'on va... C'est un beau saupoudrage, d'ailleurs. Vraiment bien, ça goûte le ketchup. C'était vraiment magnifique. Bon. Donc, on va revenir une parenthèse en arrière. Gérard Bouchard... C'est une formule mathématique avec des parenthèses d'un parenthèse. Tellement! Mais ça, pour les gens qui sont pas en philosophie, ce qui est probablement la majorité des gens qui écoutent... Probablement. Ça s'appelle un cours en philosophie à l'université. C'est tout le temps de même. C'est plein de parenthèses. Et ça, on pourrait dire que nos auditeurs sont tous caves? Non. Je suis juste en train de dire. S'ils écoutent Assemblage Requis, ils peuvent pas être en psychologue. C'est du tout ça que je dis, c'est juste qu'on est en tout dans le département 60 dans une université de 13 000 étudiants. Ouais. Il y a des bonnes. Les statistiques sont contre nous. Et nos codes d'écoute sont au-delà de l'université, donc on a minimum 30, 45, 50 000 au stand. Et c'est connu, tout le monde qui a un degré en philosophie s'en va à Montréal. C'est ça. Fait que bref. Donc. Sur le plateau. Ouais. C'est à peine un cliché, c'est ça le peu. C'est ça. Mais. Donc, c'est ça, en philosophie. Je me rappelle d'un cours où ce que le prof a eu une parenthèse qui s'était tirée sur littéralement 3 semaines de cours. Et ce n'est pas des farces. Il y avait 3 petits points puis un à suivre à la fin de chaque épisode. Non, il commence sa parenthèse à m'amener dans le cours. Là, il finit le cours, le cours termine, puis là, il est comme, bon, ben, j'ai pas eu le temps de finir ma parenthèse, puis on n'a pas vu le programme d'aujourd'hui, je suis désolé. Fait que je recommence la semaine prochaine, commence à faire son petit retour sur ce qu'on a quand même eu le temps de voir au cours précédent. Il dit, ah oui, c'était intéressant, on parlait de ça. Il repasse la parenthèse, il fait encore le cours quasiment sa parenthèse, puis finalement, le cours d'après, il dit, bref, quand je vous parlais de ça depuis 2 semaines, c'est ça que je voulais dire. Puis là, ben, il a passé un cours d'été aussi pour compléter. Voilà. Donc, on a fermé cette parenthèse là aussi. J'essaie d'être un petit peu plus succinct que mon prof. Faut faire les modifications avant les additions, je pense, hein, c'est ça? Ah, Logan, embarque-moi pas là-dedans. Je suis pas en philo parce que je suis bon en maths. Fait que, bon. On était donc sur Gérard Bouchard. Oui. Bouchard, oui. Gérard Bouchard. Donc, George W. Bouchard. Non. Il a fait un. Non, vraiment pas. Au début des années 90, il était engagé pour faire une autre commission d'enquête. Puis le gros du travail de la commission d'enquête, c'était de déterminer c'est quoi les Québécois. Qu'est-ce qui est représentatif des Québécois. Puis une grosse discussion qu'ils ont eue par rapport à ça, c'était comment qu'on les appelle, ce qu'on appelle communément les Québécois de souche. Puis il y avait des gros problèmes méthodologiques. Comme en partant, il disait, tu sais, les Québécois français, mettons. Parce que traditionnellement, on disait les Canadiens français. Ouais, ouais. Ouais. Puis, parce que contrairement à ce qu'on pense, le Canadien, le mot Canada était beaucoup relié au Québec, en fait, avant la Confédération, puis même avant les années 60, jusqu'aux années 60. Puis là, il disait, ouais, mais il y a eu les Irlandais, entre autres, qui se sont intégrés, qui ont complètement été assimilés, dans le fond, parce que c'était des anglophones, mais ils étaient catholiques, fait qu'ils sont plus assimilés aux francophones qu'aux anglophones, finalement, à cause de la religion. Donc là, c'est pas très correct pour eux autres parce qu'ils sont zéro d'origine française puis ils se sont complètement mélangés à la population qui était d'origine française. Fait qu'en tout cas, c'est tout un autre gros questionnement puis on en revient avec nos étiquettes pas très le fun de Québécois de souche. Donc, ouais. Fait que moi, j'aime mieux d'héritage catholique, parce que bon, c'est un peu ça, notre espèce d'origine culturelle commune. Ça veut pas dire qu'on est obligé de continuer ça, mais ça veut pas dire qu'on est catholique. Ça veut juste dire que bon, on vient d'une culture qui était catholique avant, puis que veut pas, on peut bien dire ce qu'on veut, mais la culture québécoise présentement est quand même imprégnée un peu. Ne serait-ce que le fait que notre fin de semaine, c'est le samedi puis le dimanche. Ouais. Nos jours fériés, tu sais, je veux dire, Noël, c'est une fête religieuse à la base. L'action de grâce. Évidemment. Donc, les Québécois de souche, le fait du pluralisme, ouais, c'est ça. Donc, les Québécois de souche, même, puis j'aime vraiment pas le mot, là, je vais le dire, même entre nous autres, on est beaucoup moins semblables du point de vue de nos convictions, puis de nos. Même, on pourrait dire, notre sous-culture, mettons. On est beaucoup moins semblables qu'avant. Il y a des gens avec des opinions politiques différentes. Il y a des gens qui... des fois, on peut... mettons, quand on est un peu mélomane, des fois, on peut se sentir un peu plus proche de gens américains ou anglais que de gens de nos voisins. Ouais, ça peut être la télé aussi, ça peut être le cinéma. C'est ça, l'ouverture sur le monde extérieur a fait en sorte que... Exact. Parce qu'il y en a des Québécois, entre guillemets, de souche qui disent « Il faut qu'on reste ensemble parce qu'on est tous pareils. On est un seul peuple. » Ça, c'est rendu au 21e siècle, c'est plus vrai, puis c'est plus vrai à nulle part dans le monde. C'est ça. Donc, le multiculturalisme, pour ça que je parlais de ça, à base, le multiculturalisme, c'est juste tous les arrangements qu'on fait pour respecter ce qu'on appelle le fait du pluralisme, pour dealer avec. Parce que ça a des implications. Tu sais, dans le temps, préalablement aux années 60, par la Révolution tranquille, nous autres au Québec, c'est ça qui est le fun, on a un beau truc qu'on appelle la Révolution tranquille, qu'il y a un avant et après qu'on peut dire... C'est marqué dans ça, le temps, là, on était de même, puis après, on est de même. Puis, c'est un mouvement qui s'est fait dans à peu près toutes les autres cultures occidentales, mais c'était pas autant, ça s'est pas autant fait one shot que nous autres. Il n'y avait pas un nom pour leur période, nous autres. C'est ça. Nous autres, ça, c'est comme, on dirait que c'est comme du jour au lendemain, on s'est comme réveillé, on a fait « Hey, il faudrait peut-être qu'on arrive dans la modernité », puis là, paf, révolution tranquille, puis genre 10 ans après, on était complètement une autre société, complètement différente. Donc... préalablement à ça, tu sais, la société québécoise était beaucoup plus homogène, tu sais, les gens étaient catholiques. Ouais. Mais il y a des gens qui en diraient qu'ils aimeraient ça qu'on retourne à ça, en regardant certaines lignes de parti ou certaines personnes parler de leurs convictions, on dirait qu'ils voudraient retourner à ça. Ben évidemment, c'est sûr que le pluralisme, le défaut, c'est que ça fait peur en quelque part. Tu sais, c'est pas aussi sécurisant que d'avoir une belle société toute pareille, toute soudée. Tu sais, c'est sûr que un réflexe humain, en fait, jusqu'à un certain point. L'être humain a comme physiquement évolué, puis tout, notre cerveau, tous nos réflexes sociaux, mettons, sont faits pour vivre dans un clan familial, à peu près. T'sais. Le plus gros qu'on est fait pour vivre avec, c'est, qui est encore à peu près naturel pour nous, c'est, mettons, un petit village. Ouais. Au-delà de ça, on n'a pas le choix de se mettre des arrangements puis de se mettre des une organisation, mettons, pour être capable de te faire ça, parce qu'on est, mettons, c'est comme la limite de notre altruisme réflexe, mettons, on dit ça de même, là je tombe un peu dans des affaires que peut-être un peu plus touchées, mais c'est ça, en gros, les sociétés actuelles sont beaucoup plus larges que ce pour quoi on est construit à la base. C'est ce qui est facile pour nous autres de vivre dedans. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de s'identifier à un groupe. On a besoin de s'identifier à un groupe relativement semblable, relativement restreint. Puis tout. C'est un peu ça que je voulais dire, dans le fond. Donc, c'est un peu pour ça l'importance du nationalisme, en quelque part, c'est un peu ça. C'est que ça nous donne quelque chose sur quoi on peut s'identifier. Quand je parle nationaliste, on pourrait peut-être rapidement faire... C'est quand même un peu différent, mais on pourrait dire un peu le patriotisme, dans le fond. C'est le fait d'être fier d'être Québécois, par exemple. Le fait d'être fier d'être francophone, puis ainsi de suite. Là, la question, c'est que c'est sur quoi est-ce qu'on va déposer un peu notre sentiment d'appartenance. Il y en a que ça va être juste sur la société francophone québécoise, mettons, par exemple, ou un truc comme ça. Il y en a que ça va être sur quelque chose de plus restreint. Les gens qui sont à peu près de même idéologie, qui écoutent les mêmes... les mêmes artistes qui regardent les mêmes films, qui écoutent les mêmes feuilletons, et ainsi de suite. Des petits moutons. Ben, j'aime pas ça quand on dit négativement de même, parce que c'est quand même un réflexe naturel. Je pense qu'il faut être quand comme même. Les autres. Ouais. C'est ça, tu sais, on a un peu, en quelque part, le besoin de ça. Ouais. La seule différence, peut-être, c'est que des fois, ça nous amène à certaines extrémités que si on y pense pas, on se rendra pas compte des dangers de ça. encore tout le fait qu'on capote dernièrement avec les musulmans. Je pense que c'est un peu ça. Les musulmans, c'est un autre. Ouais. C'est un pas nous autres. C'est ça. Malheureusement. Puis faudrait les reconnaître comme des nous autres. La plupart, c'est des gens qui viennent ici pour parce qu'ils veulent vivre ici puis qu'ils veulent s'intégrer. T'sais. C'est juste qu'ils savent pas comment, des fois. Des fois, c'est ça le problème. Puis c'est pour ça tous les accommodements raisonnables. Souvent, on a l'impression que c'est parce qu'ils essaient de nous imposer leur culture puis tout ça. Alors que des accommodements raisonnables. Puis je veux dire, je dis pas qu'il y en a pas, là. C'est ça, sûr qu'il y en a tout le temps des fois. Il y en a tout le temps je m'excuse du mot, mais des fuckies, là. Ouais. Tu sais, je dis pas que ça existe pas des islamistes qui veulent imposer la charia puis tout le kit. Mm. Je dis pas que ça existe pas, je dis que c'est une minime minorité qui, malheureusement, fait passer le reste, qui fait mal passer le reste. Une pomme pourrite, c'est ça. Manger, Donc, une très, très, très grosse parenthèse, mais que je pense qu'il a été utile pour parler de multiculturalisme et de l'importance du multiculturalisme. Ça, c'est l'introduction de la chronique. C'était, ouais, c'est ça. Bon. À 23 minutes. Tantant. Donc, si j'ai rien que parlé de ça, c'est déjà quelque chose de gagné tant qu'à moi. Donc, j'ai parlé de ça parce que je parlais des libéraux, de la position des libéraux par rapport au NICAB. C'est que, on associe multiculturalisme à ce que moi j'appelle le trudeauisme, c'est-à-dire. Dans le fond, le multiculturalisme, comme j'ai dit, c'est ce qui répond à la question de quelle manière on gère le pluralisme. Toute forme de pluralisme, pas juste ethnique. Là. Mm-hmm. Le pluralisme, c'est aussi le fait que les relations entre les francophones dans le Canada puis les anglophones dans le Canada. Oui, les trois au Manitoba. C'est ça, avec les Premières Nations aussi, tout le kit. C'est aussi ça, le multiculturalisme. Mm. C'est juste qu'il y a le multiculturalisme qu'on appelle multinational, c'est-à-dire comme le Québec est une nation minoritaire dans le Canada, puis les Premières Nations aussi, puis il y a le multiculturalisme multiethnique, c'est-à-dire les minorités issues de l'immigration qui sont beaucoup plus minoritaires, puis bon, pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que là encore, je pourrais parler 4 heures là-dessus, on ne gère pas ça de la même façon non plus, mais à base, c'est quand même le multiculturalisme. Donc, le trudeauisme, dans le fond, ce qui a été imposé par Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, qui, on se le rappelle, a été pendant un bon bout de temps président, premier ministre du Canada, lui aussi. Je dis lui aussi, Justin n'est pas élu. Pas encore. Voudrait. On s'entend qu'il voudrait, mais est-ce bon, c'est pas encore fait. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a des chances, tu penses? Je ne sais pas. Okay. Honnêtement, je pense que présentement, c'est un peu là où ce que j'en venais, l'histoire du NICAB a fait très mal au NPD, entre autres, qui regardait assez bien pour qu'il soit élu minoritaire, puis là, finalement, ça regarde peut-être plus pour le Parti libéral. Okay. Mais moi, je fais tout le temps attention, de toute façon, avec les sondages, parce que les sondages qu'on nous montre au Canada puis au Québec, c'est plate, mais ça veut pas dire grand-chose. La méthodologie est profondément dégueulasse. Puis les gens vont pas nécessairement tous aller voter de toute façon. Fait c'est que déjà, ça. Tu réponds au sondage, c'est facile, mais tu vas pas te déplacer pour ça, aller voter. Puis t'as très, très bien le droit de répondre n'importe quoi à la petite madame qui t'appelle. Tandis que quand t'es dans ton petit bulletin de vote, t'es tout seul devant ton papier. Personne va te juger, c'est ça. Exactement. Mmh. Donc, les libéraux, la logique de le multiculturalisme, c'est ce qu'on va appeler souvent la mosaïque canadienne. Il y a plein de gens, il y a plein de cultures, puis c'est beau, puis c'est le fun, c'est plein de belles couleurs. Ouais. C'est comme une promenade dans le parc national à l'automne. Pareil. C'est très imagé. Ils ont souvent des belles images comme ça. D'ailleurs, tu sais, les rocheuses. Ils sont forts là-dessus, les libéraux. Parce que c'est vraiment le Canada, c'est un peu, en quelque part, une nation un peu artificielle, dans le sens que c'est, tu sais, le nationalisme canadien fédéral, c'est quelque chose qui a été quand même assez créé volontairement. C'est pas comme le nationaliste québécois, qui est ouais, très fleur de lys, ou américain avec leur. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Le Canada, en fait, c'est un peu le Canada contemporain, c'est vraiment une création de Trudeau père. Puis, fils Trudeau est pas mal dans la même ligne que son papa. Bon, pour rien qu'ils l'ont élu chef du parti, il voulait restaurer la dynastie, puis bon, il y a plein de belles images comme ça encore. Donc, lui, c'était bien évident qu'il allait se positionner. Non, faut les accepter, les immigrants, tolérance totale, puis tout le kit. Ça, c'est une chose. Ouais. C'était évident qu'il ferait ça. Harper comptait là-dessus d'ailleurs, parce que ça permettait. Parce que avant le scandale du NICAB, si tu regardais les sondages, puis là encore, il faut prendre ça avec un grain de sel, mm-hmm. mais ça reste que c'était presque ex aequo ses intentions de vote conservateur, libéral, puis NPD. Ouais, c'est vrai, c'était très serré. C'est ça, c'était très serré. Fait que là, fallait qu'il trouve quelque chose pour se différencier. Ouais. Même affaire du côté du NPD, on le sait, le NPD, c'est le parti un peu plus de gauche, même si beaucoup de gens trouvent que depuis que Mulcair est à la tête, la gauche prend un peu le bord. Bon, c'est pas de ça que je veux discuter à matin, mais ça reste qu'ils ont quand même pris une position, à l'origine, ils ont pris une position relativement similaire à celle des libéraux, c'est-à-dire Non, non, l'inclusion, puis faut être tolérant, puis bon, ainsi de suite. Ensuite de ça, le Parti vert a eu une réponse que j'ai trouvée, ma foi, assez juteuse, parce que c'est quelque chose que souvent, c'est les gens de droite qui vont répondre à un truc du genre. Puis là, c'est le fun de voir le parti environnementaliste dire ça, mais qui disait... en gros, ce qu'il disait, c'est que le niqab, c'est pas avec ça qu'on est en train de s'étouffer. C'est pas ça qui pollue nos ressources d'eau potable, puis ainsi de suite. Fait que, normalement, c'est la réponse plate des gens de droite de « Ouais, mais ça crée pas de l'emploi. » Ben là, eux autres, ben ça aide pas à combattre le réchauffement climatique puis la pollution. J'ai quand même trouvé ça assez juteux, même si là encore, ça me laisse un peu sur ma faim comme réponse. Et finalement, le Bloc québécois, qui est probablement ma plus grosse déception là-dedans, qui, eux autres, sont sautés à pieds joints dans la rhétorique des valeurs canadiennes. Eux autres, ils ont dit québécoises, mais on s'entend qu'ils ont dit exactement... ils ont dit la même chose. Ils avaient le même discours que les conservateurs, seulement en remplaçant valeurs canadiennes par valeurs québécoises. Okay. Pourquoi ça m'a déçu? Pourquoi toutes les parties, tous autant qu'ils sont, me déçoivent? C'est que, comme je l'ai dit la semaine dernière, la vraie question, c'était pas nécessairement le NICAB. C'était une décision, le fonctionnement de nos institutions juridiques. Puis, moi, je pense que toutes ces prises de position-là, c'est un gros manque de respect de nos institutions juridiques. Premièrement, pourquoi c'est important? Les institutions juridiques, comme la Cour d'appel et la Cour suprême, eux autres, leur job, c'est un peu de faire ce que, en théorie, le Sénat devrait faire, mais n'a pas les dents pour faire, et de toute façon, il est beaucoup trop partisan pour faire, c'est-à-dire encadrer le travail des députés. On s'entend, les députés sont élus sous la bannière d'un parti qui a une certaine idéologie. Il y a des choses qu'eux autres veulent faire, il y a des choses qu'on est très content qu'ils fassent, peu importe c'est quoi, je veux dire, on s'entend, tu votes pour un programme politique beaucoup. Donc, tu t'attends à ce qu'ils, nécessairement, fassent des lois, puis ainsi de suite, qui fit avec leur idéologie. Par contre, des fois, l'idéologie peut dépasser certaines normes, parce que c'est ça, vivre dans une démocratie qu'on appellerait une démocratie libérale, c'est-à-dire qu'on a des droits et libertés, puis il faut que les lois respectent ces droits et libertés-là. Un exemple, la loi C-51 des conservateurs sur la sécurité, qui disait entre autres que quiconque manifeste contre les institutions canadiennes, ben, est par définition un terroriste. Ben ça, c'est pas correct, parce qu'on a le droit de manifester mettons, pacifiquement, ou de faire d'aller jusqu'à la désobéissance civile. C'est un droit reconnu par toutes les déclarations des droits de l'homme, par l'ONU, y compris par notre Constitution, c'est-à-dire la fameuse Charte des droits et libertés, qui est d'ailleurs une bébelle de Trudeau papa. Mais c'est un de ses bons coups, en fait, la Charte des droits et libertés, de l'enchâsser dans notre Constitution. Ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'individu, on a des droits fondamentaux. Je pense qu'il y avait une chèvre dans le corridor. Je sais pas si les auditeurs l'ont pas entendu, mais il y a eu une espèce de... Ouais, il est comme... Je sais pas si j'ai choqué quelqu'un. Mais bref. Donc, ça m'a complètement fait perdre ma conscience. Charte des droits et libertés. Oui, c'est ça. Après ça, on se demande pourquoi on ferme pas la porte. Hein? Effectivement. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que, en gros, généralement, le gros du travail de la Cour suprême, puis de la Cour d'appel, puis de la Cour, mettons, de les Cours supérieures provinciales, c'est que quand que les élus font une loi, si des gens se sentent lésés par la loi, pensent que la loi ne respecte pas leurs droits, parce que la Constitution, donc, y compris la Charte des droits et libertés, ont préséance sur les lois votées au Parlement. Dans le fond, la Constitution, ça ne se modifie pas aussi facilement, puis c'est vraiment là, les balises à l'intérieur desquelles on peut faire des lois. Donc, si les gens pensent que la loi ne respecte pas leurs droits fondamentaux, ben c'est là qu'on va en cours. Puis c'est ça, d'ailleurs, qui a été fait dans le cas de la fameuse directive ministérielle, qui, comme je l'ai dit, n'a même pas force de loi. Puis ce que ces cours-là font, toutes les instances juridiques, c'est qu'ils regardent les lois qui sont en vigueur, y compris les droits et libertés, bien évidemment. Puis, ils regardent comment est-ce que tout ça se interagit et interprète quelque chose par rapport à ça et donne leur décision par rapport à ça. Donc, la fameuse théorie du gouvernement des juges que Mathieu Boccoté aime bien nous garocher une fois de temps à autre dans ses chroniques pour le Journal de Montréal, c'est un peu de la bullshit. Parce que les juges ne gouvernent pas. Les juges font juste... Les juges ont un rôle de ce qu'on appelle les chiens de garde de la démocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils empêchent, leur job c'est d'empêcher les dérives partisane, disons, des partis. C'est-à-dire que quand que le parti s'énerve un peu trop avec son idéologie, les juges sont là pour dire « Non, mais calmez-vous. » Un bel exemple de ça, d'ailleurs, ça, c'est comme ça que c'est supposé d'être, quand la loi 101 a été faite voilà, déjà plusieurs décennies, au début, on n'avait pas le droit. La loi 101, c'est la loi qui dit qu'au Québec, c'est une loi québécoise, qui dit que dans le fond, qui affirme là, le français comme langue commune et qui met certains règlements pour faire respecter ça. Dans la version originale de la loi, toute forme d'affichage public devait être faite en français. Ça a été contesté en cours. Je suis pas sûr jusqu'à quelle cour ça s'est rendu, mais je pense que ça s'est vraiment rendu jusqu'en Cour suprême, qui est la plus haute. Ben ça doit. Hein. C'était quand même assez gros à un certain moment. Hein. C'était quand même assez big, effectivement. Les anglophones québécois étaient pas très, très contents de ça. Assez big. Puis la réponse de la Cour suprême, c'est qu'il disait la très grande majorité de la loi est très correcte, très bien faite et respecte et même nécessaire pour le respect des droits des Québécois. Ça allait même jusque-là. Sauf la seule affaire, c'est le bout sur l'affichage. Ça rentre dans la liberté d'expression. Les gens ont le droit d'afficher dans la langue qu'ils veulent. Donc, ce qu'on suggère, puis c'est ça qui a finalement été fait, c'est qu'on permette que ça soit permis d'afficher dans la langue qu'ils veulent, dans le fond, les commerces puis tout ça, mais il faut quand même que le français soit prédominant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un descriptif ou il faut que le nom, la raison sociale du commerce soit écrite en français. Ouais, on en parle un petit peu partiellement passé, français. Boutique de sport, ou peu importe. C'est ouais. Ça. Mettons, boutique de sport, boutique de calotte, Lids. Ouais, mettons. C'est l'exemple que tu avais donné. Ouais. Bon. Donc, ça pour dire, la job des cours et instituts est très importante. Puis les partis n'ont pas reconnu ça. Presque aucun. Moi, j'ai vu un petit document que le NPD a mis en ligne dernièrement. Je l'ai vu à cause du député de Trois-Rivières, que j'ai suivi un peu tout sur Facebook, là, mais l'actuel député, le député sortant de Trois-Rivières, Robert Aubin, avait comme linké ça, puis qui disait « Non, mais en fait, on n'est pas vraiment tant que ça pour le NICAB. » Mais là, il disait un peu plus que « Bon, ben tu sais, c'est parce que le processus législatif n'a pas été vraiment respecté dans cette affaire-là. » Puis c'est pour ça qu'on s'oppose un peu au gouvernement conservateur là-dessus. Même si on se le rappelle, ce que Mulcair a dit, c'est que non, il faut être tolérant avec le NICAB. Fait que là, c'est un peu plate comme discours. Mais en même temps, je veux dire, c'est un peu ce que tout le monde a fait à mot couvert. T'sais, au moins, les autres, ils ont pris la peine de refaire après ça la spécification, tu sais. Puis moi, je trouve que je suis encore plus déçu du bloc parce que les autres partis canadiens, ils auraient déjà dû tiquer sur le fait que non, mais c'est vraiment tordre la mission de nos institutions juridiques. Puis il y a comme personne qui l'a relevé vraiment, tu sais. C'est juste non, NICAB. C'était pas ça la question. Ouais. C'était pas ça qu'il fallait dénoncer. C'était en amont de ça. C'était l'atteinte à un. Ce qu'on appelle un chien de garde de la démocratie, ce que je disais tantôt, une protection des citoyens. Parce que c'est ça, là. C'est probablement... Moi, je trouve ça plate un peu en quelque part, mais présentement, les juges de ces cours-là, c'est probablement ceux qui travaillent le plus pour nous autres, les simples citoyens. Parce qu'ils empêchent les élus de faire ce qu'ils veulent avec le pouvoir qu'on leur remet à tous les quatre ans. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça très, très décevant de voir que les autres partis n'aient pas défendu la Cour suprême comme ça. Ben, la Cour suprême, en fait, là, c'est la Cour d'appel, mais je veux dire, on s'entend, la même chose va être dit, c'est la Cour suprême, parce que là, c'est porté en appel en Cour suprême, puis ils vont probablement dire la même chose que la Cour d'appel, puis ils vont encore se dire les mêmes niaiseries sur ce jugement-là. Donc, moi, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est ça qui me déçoit toutes les parties, c'est qu'ils n'ont pas fait leur job de défendre les institutions canadiennes. Puis le Bloc québécois, comme je dis, m'a déçu parce que à place de sauter à pieds joints dans la stratégie de justement, en fait, c'est que c'est d'aller contre les valeurs canadiennes et québécoises. Tu sais, ils nous parlent d'égalité homme-femme puis tout. C'est pas une question d'égalité homme-femme du tout ici. Là, c'est tous les droits qui sont remis en compte parce que le jour que la Cour suprême est comme décrédibilisé de rendre des jugements qui défendent les droits des citoyens. Parce que c'est ça, c'est là-dessus qu'Harper travaille. Là, l'agenda d'Harper, là, on s'entend, là, sont très très proches des groupes religieux d'extrême droite. Là. Puis c'est pas tant la droite qui est stressante là-dedans que le groupe religieux. Puis là, c'est des groupes religieux chrétiens qui sont contre l'avortement, qui sont contre le mariage homosexuel, contre un paquet de choses comme ça. Puis faire des lois là-dessus, ça passerait pas présentement, ça serait critiqué en cours, puis c'est sûr, ils traîneraient en Cour suprême, mais c'est impossible que ça passe. Mmh. Mais s'ils réussissent à faire perdre toute forme de crédibilité à la Cour suprême, ben, ils vont faire leur loi pareil, puis les affaires vont se faire pareil. C'est ça qui est le danger présentement. Puis moi, je trouve que le Bloc québécois qui théoriquement est supposé d'être là pour défendre les intérêts des Québécois, ben là-dessus, les a pas défendus pantoute. Moi, ce qui est plate, l'impression qu'on en a, c'est que ce que Gilles Duceppe a fait, c'est qu'il est allé chercher des points sur le dos du NPD, des points de sondage sur le dos du NPD, malheureusement. En là encore se positionnant contre ce que les NPD a dit. Si le NPD avait été contre le NICAB, on se demande qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est vrai, hein? Mais c'est ça qui m'a déçu beaucoup avec ça. Puis je pense que y compris du point de vue du Bloc, quand on dit que la mission, c'est de défendre les intérêts des Québécois, puis y compris défendre l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec, bien, ils ont manqué une belle occasion, là, encore là. Je pense qu'ils ont sauté à pieds joints dans une rhétorique conservatrice qui n'est pas tellement... ce que moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement rapport avec les fondements du Bloc québécois, tu sais, qui, justement, comme je disais, défendre les intérêts des Québécois puis faire la promotion de la souveraineté du Québec. Rendre le fédéral Québec-friendly, mettons. Mm. C'est ça. Puis c'est que, d'ailleurs, c'est pas une... là encore, c'est une autre affaire qu'on pourrait discuter longtemps, mais c'est que dans le cas, mettons, qu'il y aurait un référendum de fait, que le référendum passe à majorité, c'est sûr qu'il va y avoir contestation puis qu'il va minimalement avoir des négociations, puis on s'entend que les négociations vont peut-être être dures. Puis la Cour suprême va être en fait un allié du Québec là-dedans. Parce que si la démarche se fait, il existe des... Tu sais, comme par exemple l'Écosse, que finalement le référendum n'a pas passé, mais qu'il y a eu une négociation, puis ainsi de suite, entre l'Écosse puis l'Angleterre. Bien, il faudrait que ça se fasse selon un processus comme ça. Donc, il faut nécessairement que le fédéral participe à toute cette histoire-là. Puis... Si la Cour suprême serait pas mal du bord, ferait un arbitre qui probablement trancherait en faveur du Québec. Pas nécessairement en faveur, mais dans le sens que qui donnerait raison aux demandes du Québec, comme la Cour suprême l'a fait par le passé d'ailleurs. Beaucoup plus que les partis fédéraux. Fait que c'est tout ça qui me déçoit un peu dans cette histoire-là. Puis là, l'heure est déjà très avancée. Puis j'avais un autre sujet en plus que je voulais amener avec ça, mais je pense qu'on va laisser faire, puis on va peut-être garder ça pour la semaine prochaine au pire. Mais c'est bon d'avoir du stock pour le futur. C'est ça. C'était un peu l'autre chose de laquelle je parlais dans l'éditorial. Que finalement, en fait, je voulais m'étendre plus là-dessus, puis finalement, c'est pas ça que ça a fait. C'est ça. Mais c'est comme un cours, ton histoire, parce que c'est vraiment la suite de la semaine passée, on s'entend quand même. Ouais, c'est ça. Donc, de semaine en semaine, on enfile les sujets, puis on ouvre des parenthèses, puis on remet ça à l'autre après. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a un bon genre 32 semaines dans l'année scolaire. Ouais, quand même. C'est un cours pas mal, là. Seb va nous éduquer. Ça a bien du sens. Moi, j'aime ça, en tout cas. J'adore ça. Sébastien Vigartin. Seb, est-ce que ça veut dire que tu vas aller te renchérir d'informations quasiment ce midi, dans quelques heures, au débat qu'il va y avoir ici au 10-12? Ben oui, je prévoyais d'y aller. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, je vais probablement poser une question au candidat en fonction de ça. Je dis, ouais, mais la Cour suprême là-dedans? C'est ça, je suis sur la page de l'événement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a le débat électoral fédéral avec les députés, chaque député de chaque parti, ici à Trois-Rivières, au 10-12 à 11h30. Et en fait, ça dit que les thèmes qui vont être abordés, c'est l'économie, l'environnement, l'éducation, la recherche, la démocratie, les institutions et le rôle des jeunes et les relations internationales. Alors, il n'y a pas de NICAB au menu pour le moment. Ça va être dans une sous-catégorie dans multinationales. Oui, sûrement relations internationales. Ça a été bizarre, genre sujet en général. En général, est super précis pour les NICAB. Ben, c'est ça qui est un peu drôle, d'ailleurs, dans toute la manière que ça a été traité. On se fait souvent dire par les gens qui sont très, très... Souvent, je me fais accuser de « Oh, mon Sébain, toi, t'es un multiculturaliste, puis tout, puis toi, tu vas être pour ça, le NICAB, à n'importe où, n'importe quand, puis tout. » Pas nécessairement. Moi, en fait, j'ai vraiment une position très, très indécise par rapport à toute cette histoire-là, tu sais, dans les faits de ça. Mais moi, ce qui m'achale, c'est quand on dit « Ouais, mais c'est une question de principe. » Non, oui. Un NICAB, c'est pas une question de principe. C'est pas un principe, c'est un morceau de vêtement. Ouais, on va se le dire. Mmh. La question de principe est en amont de ça. C'est-à-dire qu'elle est plus abstraite que ça. Là. Un principe, c'est pas un bout de tissu. Un principe, c'est des choses comme l'égalité homme-femme, l'intégration. C'est tous des principes, ça. Puis là, c'est que la question, c'est que le NICAB n'est pas une question de principe. Il y a un conflit de principe, par contre, mais que c'est pas... La discussion par rapport au conflit de principe, le NICAB, c'est juste un exemple de ça. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on focus juste sur le mot à dit exemple. Pareil comme en 2013, quand il y a eu la charte de la laïcité du PQ, la charte de la laïcité, c'est un bel exercice de principe. Puis, ben, ça finit par être juste les signes religieux reliés à la religion musulmane chez les fonctionnaires provinciaux. T'sais. Mais ça, c'est pas une question de principe. Discuter de la madame, elle a-tu le droit de se cacher les cheveux à job ou non, c'est pas une question de principe, ça. Ça, c'est un exemple d'application de principe. Donc, c'était mon mot de la fin. Tout à fait, et on va continuer sur ce sujet-là peut-être et d'autres la semaine prochaine. Toujours les mercredis à 8h, Sébastien Gartin et le bulletin Gartin, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne semaine. Bonne journée. On prend une pause. Au retour, c'est Frédéric Bernard et Google Globe. Restez avec nous. C'est fou, 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Record ce mercredi 7 octobre 2015 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on a pris du retard dans l'émission d'aujourd'hui. On s'en excuse à tous. Mais non, mais c'était un sujet tellement emballant et important. Important. Important et important. Voilà, c'est bien dit. Je fais des jeux de mots comme toi. Ah, t'as encore des petites croûtes à manger, qu'on appelle? Ça, je suis d'accord. T'aimes-tu les croûtes? Oui. Bon. De toast. De tous, mais croûte que croûte, comme dirait l'autre. On accueille Frédéric Bernard. Voici Google Globe. Bernard. Salut Mathieu. Ça va, ça va. Ben oui, toujours, toujours. Vous, ça va bien? Ça va bien, très bien, merci. Parlez-vous, là, Tania. Ben, c'est ça, moi, je suis tout le temps assis à côté des invités, puis tu sais comme ils me voient pas. Ben, c'est ça, c'est pas dans le champ de vision. Ça. C'est ça. Voilà. Donc, Google Globe, ta chronique que tu nous fais les mercredis, où on parle d'Internet, mais par la bande, parce qu'on cherche sur Internet, n'est-ce pas? Oui, on pose une question à Internet, on pose une question à Google, et on regarde un peu qu'est-ce qui ressort, toujours avec un peu de mon influence dessus, parce que bien sûr, il prend en compte mes précédents résultats de recherche. C'est ça, c'est donc, grâce à toi. Vous allez trouver approximativement la même chose, mais pas pareil. Est-ce que tu as pensé sur un ordinateur, exemple, dans une bibliothèque? C'est vrai que j'y ai pensé. Ça devient un peu compliqué là, pour essayer de se rendre tout, mais une fois, je le ferai pour voir qu'est-ce que ça donne. Je te donne un conseil. Parce que tout le monde fait plein de recherches bizarres. Ça, c'est vrai, mais je sais pas si ça conserverait l'historique. Mais ce que tu pourrais faire, ce serait d'ouvrir une fenêtre dans un navigateur privé, dans Chrome et Firefox, pour ouvrir une session en navigation privée qui ne retient aucune de tes données. C'est comme quand tu vas aller, mettons, acheter une bague pour ta fiancée ou encore checker de la porn? Parce que, oui. Je savais même pas que ça se faisait, ça. C'est nouvel onglet privé. C'est pas une mauvaise idée, en fait. J'y avais même pas pensé à celle-là. J'avais pensé à aller sur un autre ordi, mais pas à celle-là. Je pense que c'est ça que je vais faire les prochaines fois. Parce que c'est ça. Parce que cette fois-ci, on voit qu'il y a beaucoup de résultats qui ont été influencés par mes précédentes recherches. Les précédents épisodes. Tous les complots d'extraterrestres. Hein? Oui, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de trucs politiques qui sont sortis d'un coup. Je pense que c'est influencé par les extraterrestres, là. Ouais. Fait que cette affaire-là. Mais non, cette fois-ci, j'ai été sur une question assez générale, une question plus pour, peut-être un peu le monde de philo. Fait que je me suis dit, on va toucher à tout le public. Alors, on a été plus pour les gens un peu passionnés de science-fiction. On a été un peu dans les cosmétiques. Pourquoi pas allons dans l'abstrait. Alors, allons réfléchir sur l'être humain et sur qui nous sommes. Comme je suis quelqu'un qui aime rendre service à la société. Ouais. T'es altruiste. Je suis très altruiste. Alors, je me suis dit, on est en début de session. Même moi qui quelques cours, alors en début de session, c'est faut se placer et tout quand même. On est en mois d'octobre, on considère qu'on est encore en début. Donc, bien sûr, bon, on pense aux examens, on pense tout de suite à la session suivante qui est quand même plus proche qu'on le pense, à Noël, qui est un bout assez charnière dans notre année. Alors, j'ai demandé à Google comment ne pas penser. Ne pas penser. Alors, comment se libérer des pensées? Comment ne pas penser? Alors, comment ne pas réfléchir? Alors, arrêter de penser tout simplement. Alors, j'ai pas été dans comment arrêter de trop réfléchir, comment ne pas trop penser. Non, vraiment, comment arrêter de penser? Ouais. On sait qu'on reste un peu dans l'absurde où on cherche plus ou moins une réponse. À date, on n'a pas besoin. C'est possible de faire ça. On va voir. Mais en fait, les avis divergent. Oh. Alors, j'ai eu 80 résultats pour ça. Alors, ben 80 pages de résultats. Okay, okay, alors, non, non, okay, pas. Wow, ouais, ça, c'est 80 pages de résultats. Okay. Alors, pour qui avant de tomber dans vraiment le répétitif, parce que sinon, ça va à des millions de résultats que je peux obtenir. Alors, dans les pages 1 à 5, ce que je pouvais trouver, c'est des conseils pour penser moins. Oui. Alors avec WikiHow, connaissez-vous WikiHow? Oui, alors, un site d'étape par étape à suivre. Oui, fait que un site que si on suit, notre vie va super bien. Alors il y a tout et n'importe quoi sur ce site-là. Absolument. C'est assez cinglé. Et là, c'était des conseils pour penser moins. Alors que je me suis ouvert pour. Alors il disait entre autres, faire du sport. Alors le classique qu'on essaye de nous enseigner en éducation physique pour tous ceux qui n'aimaient pas l'éducation physique. Alors Ouais. Ça servait. Oui, c'est ça. Alors, aller. Tous les intellectuels, alors c'était pour moins réfléchir, pour organiser nos idées. Ben en fait, oui, on peut pas le contredire. Faire du sport, ça libère, ça gaspille de l'énergie, ça nous permet de réfléchir à autre chose, ça permet de libérer de la place. Complètement contraire, méditer. Méditer. Alors, focusser sur les choses qui sont importantes. Alors, accepter tout simplement qu'on réfléchit trop. Aussi. Okay, ça n'est pas de problème, ça. Hein, mais bon. Non, on est dans l'acceptation. On est je réfléchis trop, je l'accepte. C'est alors, le même, c'est le même. Au lieu d'essayer de les contrôler. Es-tu quelqu'un qui réfléchit trop, Mathieu? Si je. Colin, oui, mais. Sans cesse, en ce moment, je t'écoute même pas. Non, c'est ça. On a toujours comme des pensées qui sont qui s'écoulent. Alors, moi, je suis un peu dans ce genre-là aussi, que j'ai toujours des. Comme. Je m'en allais dire des arrières-pensées, mais non, des pensées qui sont comme... Tu t'imagines tout nu pour faire ton exposé oral. Exactement, tout le temps. En tant que tu dis qu'il faut que tu t'empêches de nous tuer, genre parce que tu as des voix qui disent de faire, là, ça va être carré. Non, mais tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui disaient que s'ils n'écrivaient pas, entre autres, je pense, celui qui écrit Alice Voilon, le Québécois, qui Patrick a fait... Sénégal. Oui, voilà, merci beaucoup, gros blanc de mémoire. Tu sais, quand je disais que je pensais trop, là... Patrick Sénécal qui disait en entrevue que s'il n'écrivait pas ce qu'il pense, probablement qu'il passerait peut-être à l'acte. Qu'il a déjà dit ça. Oui, je sais pas. Qu'il avait dit ça d'enfermer puis qu'il avait un besoin. En fait, c'était plus pour dire qu'il avait un besoin d'exprimer ça puis que ça, c'était des pensées qu'il avait toujours eues. Fait que c'est un peu. C'est comme un alter ego qui avait besoin de sortir. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, tant mieux s'il s'est mis à écrire. C'est ça. Non, c'est ça. Fait des bons livres. N'arrête pas, c'est ça. Finalement, avec le classique aussi, demander conseil. Demander conseil, ça vaut pour tout. Oui. Ouais. Ensuite, j'ai un site internet pour la pensée selon la neuroscience. Alors, comment les pensées se font? Alors, comment ça se fait, les pensées? Comment ça se crée? Comment ça se produit, finalement? J'essaie de retrouver un autre site. Alors... Alors un site vraiment qui nous explique vraiment avec les connexions avec les axones que dans notre cerveau, nos neurones, comment ça fonctionne. Il y a un super, je sais pas si vous avez vu le film qui a multi-titres, Vice et Versa, Inside Out. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Avez-vous vu? Non, Pixar. Non, attends, pas le dessin animé. Le dessin animé, oui. Celui où on voit les émotions. Les émotions. Les émotions, oui. Qui se parlent puis qui gèrent la situation. Bon, un peu sur ce site-là, on un peu nous explique un peu la même chose que le site, que le film, curieusement, nous montre. Alors, c'est un peu drôle, le lien que je peux faire avec ce film-là que j'ai vu, que tout le monde s'est accordé pour dire que ça montrait très bien comment les pensées, comment les émotions pouvaient se dérouler dans la tête de quelqu'un. Et au Québec, il s'appelle « Sans dessous-dessous ». Ouais, c'est ça, c'était celui qui me manquait. Fait qu'en France, c'est vice-versa, ici, « Sans dessous », c'est fou. Mais en France, là, fous-toi pas là-dessus. Ouais, c'est ça. ensuite, il y a un site sur la réflexion de comment, pourquoi ne pas penser, c'est impossible. Alors, comment ça nous déshumanise? Alors, oui, Tania, t'as gagné. On a une réponse, là, en théorie. C'est une réponse. On c'est une réponse. À chaque fois que je crée une question, on a un tableau avec un pointage. On devrait faire ça. C'est pour nos téléspectateurs seulement, les gens qui ont vraiment, dans leur tête, créé l'image du studio. C'est ça. Fait que, dans le fond, on a ce site-là, justement, qui nous dit que ne pas penser, c'est pas possible. En fait, qu'on a toujours des pensées, que d'arrêter de penser reviendrait à tomber dans les abysses et dans l'oubli et dans les ténèbres, alors que ce serait une maladie mentale, carrément, de ben ne oui. pas penser. Imagine. Alors que dit carrément que c'est impossible, carrément que ça nous déshumanise. Je suis d'accord. Tout simplement. Mais c'est parce que c'est impossible. C'est impossible, tu peux pas. T'essaieras, là, tu vas échouer. Tu sais, y a-tu déjà quelqu'un qui est arrivé? Ah, ouh, ça c'est la prochaine preuve. Question à ouais. Google. Y a-tu quelqu'un qui est déjà arrivé de pas penser? Ouais, tu sais, peut-être que c'est une maladie quelconque ou peut-être. Comme ceux qui peuvent pas oublier, tu sais, ceux qui ont une mémoire permanente ouais. de tout là. Imagine ça aussi, c'est capote. Ouais. J'ai vu beaucoup de sites là justement qui proposaient des façons de contrôler sa pensée puis d'essayer d'arrêter de penser justement des sites bouddhistes des sites un peu je pense qu'on peut dire secte un peu c'est ouais. un peu des sites un peu étranges là justement qui proposent l'Illuminati ouais c'est ouais. ça des conférences beaucoup de conférences sur arrêter de penser c'est énorme le nombre de conférences j'en ai même pas mis tellement il y en avait puis j'étais tanné de lire sur les conférences de telle ou telle personne c'est comme des démotivateurs ouais ben, c'est ça c'est des... j'avoue mais c'est des personnes il y avait beaucoup de sites qui revenait au fait de contrôler ses pensées ou d'arrêter tout simplement de penser pour passer à un autre stade de l'humanité, en tout cas. Parce que pour certains, arrêter de penser, c'est comme se déstresser. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent à cause du stress, donc... Ouais. Ce serait quoi le nom de démotivateur? Ce serait Jean-Marc Chaput, serait Jean-Marc Chaput capable de penser? Oui, tu tombé là-dessus pour vrai. Non, je cherchais si c'était vraiment Jean-Marc Chaput. Sur moi. Pour faire un gag cette nuit. Ça a marché, finalement. C'est le fun que genre tu crées le gag ouais. avant de le vérifier. J'ai pas le choix. Voir s'il est drôle. C'est ça. Sinon, ça marcherait pas. Ensuite, j'ai un site internet qui monte un peu dans la même veine que l'autre. Alors, cette astuce pour être plus heureux. Alors, c'est pas vraiment sur la pensée, mais c'est être plus heureux. Alors, ça revient un peu au même. Alors, un des astuces, l'astuce numéro un, c'est quoi? C'est une bonne question. Choisir d'être heureux. Alors, ah oui, ben oui, mais c'est facile. Ben ça. Oui. Tu dis, ah, moi, demain matin, je choisis d'être heureuse. Oui. C'est Dieu qui contrôle notre bonheur aussi, faut pas oublier ça. Si on n'est pas heureux, selon c'est par fainéantise. C'est ça. On a l'astuce 2, c'était bon, on n'a pas accordé de trop d'importance à des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est un site que je suis plus ou moins d'accord parce que là, il dit d'arrêter de lire le journal, de ne pas s'informer parce qu'on ne peut pas agir là-dessus. Mais tu sais, en même temps, ça, j'avoue que. Enfin, c'est tellement pessimiste. Les médias mettons, ouais. sont pessimistes. Oui, oui, oui, oui. C'est, oui, oui, c'est oui, mais. Peut-être que tu peux écouter d'autres sortes de nouvelles. Tu sais, enferme-toi dans une chambre puis sois heureux. Ouais. C'est, finalement, ça revient à ça. Là. Tu ça. Vas te bloquer de tout le reste et tu vas vouloir être heureux. Pour le reste, on est vraiment dans le classique, agrandissez son cercle d'amis, exercer un métier qui nous passionne, puis exprimer vos sentiments. Bon. Donc, ça, j'aime ça, tout ça. Ouais. Faire de l'impro. Ouais. Hein? Faire? Faire de l'impro. Oui. Hein? Oui, si ça je passionne. Sais pas qui tu vises. Nous deux. Non, oui. Bah, oui. Ça fait pas, ça doit être toi. C'est pas Tania. Eh ben non. Ben oui, mais c'est une façon justement de se défouler, justement. Ben c'est une forme de. Ça revient, je trouve, au sport, finalement. C'est une forme de sport. En tout cas, pour moi, c'est une forme de sport. De la façon que c'est je bouge sur le sport. Scène. Ouais, c'est ça, c'est mon seul sport. Tu parles des jogging pour faire ce sport-là. C'est oui, une oui, forme c'est de vrai. Oui. ensuite, on a un article sur Paul Rousseau qui nous dit de chasser une pensée obsessive. Ok. Alors, c'est un autre motivateur, ça? Je pense que oui. Je pense que c'est un autre motivateur. Faudrait que j'aille dessus. C'est quoi son nom? Paul Rousseau, t'as le lien. T'as le lien. Ça va aller plus vite que même sur ma tablette parce que j'essaie d'ouvrir les liens. Ah, c'est difficile. t'as un peu. C'était quoi? Je pense que j'ai perdu ton sujet. Paul Rousseau. Faut savoir qu'on est un peu déconcentré par une lumière qui vient de partir. Il y a un stroboscope dans le studio, puis ça déconcentre un petit peu. T'sais. On est comme quelque chose dont on veut toucher à ça. C'est surtout que hier, pendant l'essai d'évacuation, tu sais, comme elle a pas fonctionné, est-ce que là c'est un problème, puis là elle fonctionne? Ben, je pense qu'elle fonctionne comme à délai, à 24 heures de délai. Ouais, ben c'est ça. La dernière fois que j'ai vu une lumière qui flash comme ça, c'est parce qu'il y avait un exercice d'incendie. Exact. Donc, ben, c'est ça, mais hier elle fonctionnait pas ici dans le pavillon. Puis ils ont fait l'exercice. OK. Donc, ouais. Ah bon, OK, c'est réglé. OK, il n'y a plus de feu. Le feu est parti. Oui. Ah, je m'en ai parti de musique de dance floor. Paul Rousseau, oui, c'est un motivateur. Alors, oui. Il fait des conférences et des événements, comme je vous dis. Hey, vous voyez, il se faufile même quand j'essaie de les éviter. C'est ça. Fait que... On n'en parlera plus de ça. Oui, c'est ça, on n'en parlera plus. Fait que, bon, ben, il y a un gros article, vous le lirez, sur comment se débarrasser d'une pensée. Alors, une pensée qui nous obsède. Il explique très simplement que quand on essaye de ne plus réfléchir à une pensée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pense à cette pensée-là. Ah. Donc, elle est sans cesse en boucle dans notre tête. Donc, l'idée, c'est de remplacer cette pensée-là tout simplement par quelque chose. Alors, quand on pense, par exemple, quand on veut ne pas penser à une montagne, ben, tout de suite, on pense à une montagne. Ben donc, oui. Associer la montagne à un autre sujet, mettons, les oiseaux, les animaux, un autre sujet, carrément. Alors, c'était un peu le truc. C'était un gros article, vous pouvez aller le lire là, si ça vous intéresse. J'ai un personnage, un de tes personnages préférés, je suis sûr, Mathieu. Je commence à te connaître de plus en plus, donc je sais que j'ai mis la main sur un de tes personnages forts. Un personnage que tu adores. Alors, retour de Brice de Nice. Que j'ai touché un point. Cassé. Bon, parfait. C'est drôle, tu penses me connaître. J'ai pas encore vu Brice Denis. Ah, pour vrai? Ma vie, je te jure. Très honnêtement, je disais ça de façon sarcastique. Je pensais que ce serait un personnage qui t'énerverait. Ok, mais c'est celui qui casse tout le monde, ça? Oui, oui, oui. C'est ça. Peu, ouais. Alors, c'est Jean Dujardin qui fait un article, alors qui fait une entrevue pour expliquer qu'il va avoir un retour de Brice Denis en 2016. Dans le fond, tu me connais mieux que je pensais. Parce que oui. Mais en même temps, tu peux t'en sortir en disant que c'était sarcastique si dans le fond, c'était le contraire. Oui, si c'est ça. Dit, c'est oui, ça. Mais je jure, j'avais écrit sarcasme. Non, ah, non, okay. Là, on a fini page 1 à 4. 1 à 5. 1 à 5. On va prendre une pause musicale. On va revenir après régler le problème. Oui, régler donc, le problème. Donc, Rosie Valant avec Olympe et on revient avec plus de Frédéric Bernard et Google Globe. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud? Quand une voix oublie ton nom? Sur ce papier pour lequel tu as perdu la tête, pour lequel tu as perdu la tête. Olympe, Polyvalent et la pièce Olympe. Assemblage requis. On va retourner subtilement à la chronique de Frédéric Bernard. Allô. Google Globe. On était rendu au... comment est-ce que je pourrais dire ça? Maintenant, les positions 10 à 15 de nos pages. 5 à 10. 5 à 10. Arrête. Attends, là, aller trop vite. On est rendu aux positions 5 à 10 des exactement. Pages. Je suis tellement Mathieu. C'est ça. Donc, dans le fond, 5 à 10, alors... c'est là que commencent toujours un peu les résultats un peu bizarres, un peu nébuleux. Ouais. Fait que j'avais un site internet qui propose de faire une liste exhaustive de tous les films dont le titre réfère à des métaphores sexuelles. Ah, ok. Ouais. Tout c'est ça tout. Dans le but d'arrêter de penser. Là. Oui, probablement. probablement aussi parce que les métaphores sexuelles sont souvent dans le cours des pensées. Je sais pas pourquoi si ça. Tu penses au sexe, tu penses aux problèmes de ta vie. T'sais. À moins que tes problèmes de ta vie soient basés sur le sexe. Fait que c'est oui. Ouais. Oui. Okay. Oh, et... en même temps, ouais. Connais-tu la restriction cognitive? Non. Moi, toi, Tania? Non plus. Moi non plus, je connaissais pas ça. Alors, supposément que la restriction cognitive expliquerait pourquoi beaucoup de régimes alimentaires ne fonctionneraient pas. OK. Alors, qu'est-ce que c'est la restriction cognitive? C'est le fait de se dire non, d'être négatif, de dire non, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce qui arrive? Ben, t'as le goût de le faire. Ouais. Fait que tu ne veux pas penser à quelque chose, je ne veux pas y penser, ben j'ai le goût de le faire. Donc, il expliquait que par rapport à quelqu'un qui essaye de faire un régime, ben il veut pas mal manger. Fait que qu'est-ce qu'il se dit? C'est que je veux pas mal manger. Au lieu de se dire « je veux bien manger », donc il mange mal, donc ça écroule son régime. C'est tout, c'était ma passe alimentaire. Wow! Woody Allen fait des films pour ne pas penser à la mort. Ah, il se fait vieux, là. Je lance ça tout de go. Ouais, c'est ça. À ce qui paraît, depuis le début, lui, la raison principale pour laquelle il fait des films, c'est pour ne pas penser à la mort. En même temps, c'est un site... c'est Metro Time quand même. OK, c'est bon, c'est... Je m'en allais dire, c'est un site... Non, c'est un site fiable, finalement. Ouais, c'est belge. Donc, Woody Allen, qui fait beaucoup de films, puis oui, effectivement, qui se fait vieux, alors qu'il y a beaucoup de trucs autour de Woody Allen. Il se fait vieux et il se fait des jeunes. Ah, je suis... Oui. 10 à 20? Ah, c'est à peu près les âges que Woody Allen choisit. Là, tu sais. Oui, exactement. son range sur Tinder, je pense. Là, c'est là que j'ai trouvé quelque chose que je trouvais plutôt intéressant. C'était sur un blog, quelqu'un qui posait un article scientifique qui tente d'expliquer que texter pourrait enlever la douleur. Alors, le texter nous fait penser à d'autres choses. Ouais. Et le fait de penser à d'autres choses, ça nous ferait oublier la douleur. Donc, il propose de faire des chirurgies mineures en demandant aux gens de texter. C'est bizarre, hein? Donc... Ouais, t'es couché, tu t'en vas te faire enlever l'appendice. Madame, veuillez texter, s'il vous plaît. Ben si je me trompe pas sur le... Mais on parle de chirurgie mineure. OK, que, ouais. Se faire enlever l'appendice, c'est un peu... C'est rendu une chirurgie d'un jour, là? Oui. Ouais, c'est mineur, là, en théorie, une chirurgie d'un jour. Il me semble que... en fait, j'ai dit oui, mais non, je me suis référé à d'autres... Non, je sais pas. Je suis pas médecin, je dis pas médecine. Non, en tout cas, sur ce... Sur ce, Woody Allen dirait chirurgie mineure, I'm in. Oui, c'est ça. Si, moi. Plus jamais je parle de Woody Allen. On va se faire poursuivre, là. Matt, il décoche sans avertissement. Ensuite, j'ai un merveilleux site qui nous explique comment faire un nichoir pour les oiseaux. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Fait qu'il explique vraiment les différentes sortes de nichoirs. Parce que, ouais, il y a différentes sortes de nichoirs. Continue. Oui. Alors, les changements climatiques, pourquoi à chaque fois qu'on parle de changement climatique, on semble en faire peu ou moins que ce qu'on pourrait faire? Il y a un fervent défenseur, un militant pour changer notre façon de consommer qui explique que le fait d'ignorer les changements climatiques est simplement une façon d'essayer de survivre. Alors, vu que c'est quelque chose qui peut nous affecter dans notre survie, dans notre futur, ben on reporte le changement climatique à plus tard alors que c'est plus proche que ce qu'on pense. Okay. C'est un peu ma partie qui fait peur. Ensuite, on retourne carrément dans les pensées. Alors, ça a vraiment été beaucoup des étapes ou des tops, si on veut. Parce que là, je suis dans le 10 choses qu'il ne faut pas penser pour gâcher Noël. Puis lui, il est revenu souvent. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui gâchent leur Noël parce que lui, il est revenu quasiment à toutes mes recherches. Là, à chaque fois que je tapais une page. Là. Ouais. Fait que ça a l'air qu'il y en a... Tu gâches tes Noël, Mathieu? Non, jamais, mais je sais que les gens le font en parlant de sujets que t'es pas supposé parler en famille. Comment? Une religion. Ben oui, ben oui. Politique. Oui. Hockey. Bon, finalement, tout ce que moi, dans ma famille, il y en a un, on parle. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Nous, je suis un peu dans la même situation que toi. Puis il y a tout le temps un de mes oncles qui trippe pas. Mais il proposait aussi de pas penser, entre autres, je trouvais des idées quand même intéressantes, de pas penser au prix des cadeaux, tout simplement. Ah. Alors, de penser au prix du cadeau, de comparer les prix de nos cadeaux. Ouais, c'est ça. Alors, ça vient un peu gâcher le Noël de faire ça. Je pense que c'est vrai. J'ai un autre un site de Radio-Canada. Je pense que c'est fiable. Ah, okay. Fiable, ouais. Là, on tombe dans le très fiable, dans le solide. Sauter le petit déjeuner, on dit toujours que c'est mal. Alors, quand j'étais... Moi, je saute le déjeuner, je suis mal. Pour vrai, tu sautes le déjeuner? Ouais. Moi, je faisais ça beaucoup au secondaire. Là, maintenant, je suis avec une merveilleuse blonde qui m'empêche de sauter mes déjeuners. Alors, je faisais énormément ça avant de sauter mes déjeuners. Mais sauter les déjeuners nous ferait manger plus gras. Oh! C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça te dit-tu pourquoi? Ben, en fait, c'est que le fait de sauter notre déjeuner... Bon, OK, là, je vulgarise de ce que j'ai... Ouais, de ce que j'ai lu. C'est que le fait de sauter notre déjeuner, le déjeuner serait notre apport énergétique pour le reste de notre journée, ce qui donnerait le boost à notre corps pour partir de notre journée vu qu'on vient de se réveiller. On sait qu'on gaspille énormément d'énergie à dormir, curieusement. Vu que notre corps est toujours en fonction, donc le déjeuner nous permet de nous rebooster et le fait de ne pas déjeuner, notre corps est en manque, a besoin de manger quelque chose d'énergétique. Et qu'est-ce qui est très énergétique rapidement? C'est le gras. Donc, le fast-food, ces choses-là, c'est des gras qui sont facile à assimiler, c'est une énergie qui est rapide. Alors, par exemple, des lipides, alors les choses grasses, c'est une énergie qui est rapide et qu'on peut aller chercher directement et qui se transforme en mauvais gras si on ne l'utilise pas là. Bon, alors Matt, tu devrais déjeuner. Ah ouais, mais non. Comparé à des glucides, alors vous seriez mieux de manger, par exemple, un déjeuner plus sucré que gras. Alors, ouais. Selon moi. Mais je ne suis pas nutritionniste. Donc, Donc, non, ça, c'est gras. Ça, je dis, j'en veux. Ouais, t'as pas le droit. T'es pas ma mère. Non, c'est vrai. Et pages 20 à 30. Fait que je vais parler tout simplement d'un... j'en ai parlé un peu la semaine passée. Tout simplement sur YouTube, il y a un YouTuber qui s'appelle Y-Penser, qui est assez merveilleux. Alors, je vous réfère encore une fois à ce YouTuber-là, qui est assez incroyable. Puis, toutes les vidéos qu'il peut montrer, tout ce qu'il nous explique sur son site Internet, qui sont des sujets sur les sciences. Intéressant. Ensuite, 30 à 40, je suis tombé sur le livre « Le roi des chauves ». Ah! Ok. Voilà. Ah oui. Peut-être tout. Parce qu'il n'y a pas de cheveux, il ne pense pas. Ah! Oh oui! Hein? Avez-vous de la misère avec notre système d'éducation? On parle d'un gros sujet là, d'un coup. Et mon Dieu. Et nous autres, parlons de... Après avoir parlé avec Seb, on parle boum d'éducation. Ouais! Parle d'éducation. Si on ne connaît pas, nous autres, ça va être difficile de faire. Je ne peux pas dire ce que j'en pense. Bon, toujours plus, je veux que les profs soient heureux, c'est tout. Ah, c'est bien ça. Ouais. Moi, je trouve qu'au Québec, on pourrait avoir un meilleur système d'éducation. Ben, il y a un site qui propose justement d'améliorer notre système d'éducation. En fait, c'est une théorie qui voudrait qu'il y aurait une tendance à enlever tout ce qui est le par cœur. Alors, d'enlever tout ce qui est le par cœur à l'école. On a tout perdu ça depuis. Là, je veux dire, ça dépend en quoi, selon moi. Parce que j'avais un prof que je trouvais intéressant qui nous disait que d'apprendre par cœur, ça motive notre cerveau justement à retenir des choses. Et ça entraîne notre cerveau, vu que notre cerveau peut être considéré comme un muscle. Donc, le fait d'apprendre par cœur tôt certaines choses nous permet justement d'entraîner notre cerveau pour avoir une meilleure façon d'étudier, si on veut. Mais oui, il y a certaines choses de par cœur qui sont complètement inutiles. Mais c'est que si le par cœur fonctionnait, je me rappellerais encore les affaires qu'on avait. Mais ça dépend aussi du domaine d'études par la suite que tu choisis. Tu sais, exemple, que tu es rendu à un niveau supérieur d'études. Si tu vas en... Je sais pas, là, j'ai lâché ça comme ça, là, je veux personne me lapide, mais exemple, communication, c'est rare que tu vas utiliser, mettons, le pythagorème de Pythagore. Non, c'est ça. Mais tu vas connaître les prix de chacun de tes selles que tu vends par cœur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon. C'est fait que Mathieu va s'arranger avec tous ceux qui sont en communication qui veulent pas vendre des selles. Moi, j'avais dit de pas venir me lapider, mais Mathieu est là. J'assume mes propos. Donc, Mathieu est toujours là de 6h à... Donc, la dernière trouvaille que j'ai eue dans les pages 40 à 50, alors je me suis rendu quand même assez loin, et qui est un sujet toujours complètement à l'inverse de la question principale qu'on avait posée, alors comment arrêter de penser? Mm-hmm. Alors, comment ne pas penser? Comme résultat de recherche, Google me propose un site internet qui propose de révéler la personnalité des gens selon la forme de leurs lèvres. Ah bon? T'as dit, t'avais pas mal aux lèvres tantôt, tu disais? Non. Oui, t'as dit ça. Et oui, je me rappelle parce que t'as dit, c'est pas à cause de. Ah oh, oui, c'est à cause de mes dents. Ouais. Ah! Eh ben. Donc, si ça vous intéresse de savoir, en fait, c'est un site qui révèle la personnalité de beaucoup de personnes connues selon la forme de leurs lèvres. C'est comme un site où que c'est quand même une source fiable. Là, je fais des guillemets pour Caméra 3. Cosmopolitan. Ouais, c'est le magazine. C'est Cosmopolitan. Yeah. C'est quand même une source semi-fiable. Bon. C'est un magazine quand même assez reconnu. Je l'ai lu, c'est bien écrit. Mais ça veut pas dire que c'est intelligent. C'est la version de France, fait que là, tu drops d'une coche. Ouais, ouais. C'est pas le UK. C'est ça. Parce que je m'en allais en privé la prochaine fois, il va y avoir plus de sujets qui vont sortir. Moins français. Voir. Peut-être que non, on sait pas. Ouais, peut-être que non. On va l'essayer pour ma prochaine. Oui. Je t'ai envoyé le PDF, tu pourras directement l'envoyer sur le site. Ce sera fait dans les prochaines secondes. Frédéric Bernard, t'as fait ça comme un roi chauve. Oui. Oh. Oui, je lirai ce livre peut-être jamais. Peut-être jamais. On te retrouve mercredi prochain à 8h30 pour une autre édition de Google Globe. Et on te regarde à la huître faire du jeu physique. Oui. Parce que c'est ton sport de la semaine. Oui, c'est comme ça que je maigris. En fait, c'est juste pour ça que je fais de l'impro. C'est pour ça que t'as une taille de guêpe. Oui, exactement. Voilà. C'est parce qu'il passait des années sans déjeuner, en fait. Ah, ben c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai une taille de crêpe. Une taille de crêpe est bonne. The Deers, voici I used to pray for the heavens to fall à Assemblage Rocky. It's not the same. C'était The Deers. La pièce I Used to Pray for the Heavens to Fall qui monte de 10 places en 8e position anglophone. Et c'est là-dessus que se termine cette édition du mercredi. Déjà. D'Assemblage Requis. Tu parles d'une affaire, t'as fini de même. C'est un peu traître, je trouve, moi. Tu trouves? Ben oui. Ben oui. Parce qu'on n'annonce pas à l'avance qu'on va terminer ça. C'est vrai. Donc, on remercie Sébastien F. Gertin pour l'éditorial Bulletin Gertin. On remercie Frédéric Bernard pour Google Globe. Demain, l'émission, on sera jeudi. Justine Renaud va être avec nous à 8h pour sa chronique Justine Pertine. Et on va aussi goûter à quelque chose dans le commerce, quelque chose qui ne devrait pas être mangé. C'est déjà le temps de ça. C'est à peine comestible et c'est une grosse pointe en dresse demain à l'émission entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes plus tard, sur les ondes de C'est fou à 11h, il y aura Dîner de con avec Danny Janvier comme toujours. En après-midi, je vais de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, à 17h de la musique électronique dans Audiomatique. Et finalement, à 19h, c'est les Audacieuses avec des découvertes musicales, mais dans un moment, ce sera les coups des franches à 9h30. Et je veux seulement vous rappeler qu'à 11h30, au 10-12 d'Honoré Beauchemin, eh bien, c'est le débat électoral fédéral 2015 avec les députés ici de Trois-Rivières. Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller voir ça, c'est super facile. Venez à l'université au 10-12 pavillon Honoré Beauchemin. Ça va se passer là à 11h30. Rappelez-vous que quand vous votez, après ça, vous avez le droit de chialer. Et voilà! Donc, c'est pour essayer assemblagerequis.com. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plan. On se quitte avec Twin Bandit, la pièce Rosaline. Puis bonne journée. Bye. Bonne journée. Shed a sea of tears just to think it.